واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du 4 du 1428 c'est-à-dire le 12 novembre pardon le 14 novembre 2007 بإذنه سبحانه وتعالى toujours avec العقيدة الواسطية nous allons juste réviser un peu pour commencer inshallah ta'ala le nouveau. Tayyib, on avait parlé, pardon, dans le dos passé, on avait parlé de l'ma'iyya. Et on l'a appelé à peu près l'omniprésence. L'omniprésence. Naam. Et on avait dit que on avait parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je vais résumer très vite pour dire. On avait dit que elle se divisait. L'omniprésence, Al-Ma'iyya, le fait que Allah Ta'ala soit avec ses créatures, c'est ça le Ma'iyya. Dans sa présence avec ses créatures, ça se divise en quoi? Ça se divise en général et particulière. Et la particulière, des fois, elle a rapport avec une personne, des fois, elle a rapport avec une description. Ça y est. Ça, c'est ce qu'on a dit premièrement. Deuxièmement, deuxièmement, on avait dit que Al-Ma'iyya Al-Amma, l'omniprésence, qui est générale, c'est un attribut de l'entité. C'est un attribut de l'entité et c'est un attribut de l'essence. Car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été et est toujours et sera toujours avec ses créatures. Naam. Quant à l'omniprésence particulière, elle dépend de la volonté. Car s'il veut, il est avec X et Y. Et s'il ne veut pas, il n'est pas avec eux. Non, ça dépend de quoi? Ça dépend de la volonté. Et tout ce qui est un attribut, quand il dépend de la volonté, ça veut dire que c'est un attribut de l'acte et non pas un attribut de l'essence. Ensuite, on a montré que l'omniprésence générale, c'est par quoi? C'est par l'englobement. Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout cet univers et tout ce qu'il y a aussi dedans. Et le cernement, il cerne toutes les créatures. Naam. Donc il est avec eux de par sa science. Il sait ce qu'ils font. Il sait ce qu'ils vont faire. Il sait ce qu'ils ont fait. De par son oui, il les entend. Naam. De par sa vue, il est en train de les voir. Naam. C'est pour ça que la différence entre Allah Ta'ala est avec tout le monde et Allah Ta'ala est avec X ou Y, c'est que le fait d'être avec tout le monde, c'est un attribut de quoi? C'est un attribut de l'entité et de l'essence. Et le fait d'être avec X et Y, c'est un attribut de l'acte, parce qu'il dépend de la volonté. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala est avec quelqu'un avec une omniprésence particulière, khassa, ça veut dire en plus de yani son cernement pour cet univers, en plus de qu'il est avec ces personnes, avec son oui et sa vue et sa science, en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que il est avec eux, avec quoi? Avec le secours et avec l'appui et le renforcement. Naam. Ensuite, on a dit aussi que il n'y avait pas, alhamdoulilah, et il n'y a pas de comment on dit ça en français, de contradiction entre que Al-Sunnah ou Al-Jama'a disent que Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône et que en même temps ils disent il est avec ses créatures. Il n'y a aucune contradiction pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert son cœur et a fait descendre sur lui la sérénité et la sakina. Naam. Il n'y a aucune contradiction et ça s'accepte très facilement. Allah ta'ala est au-dessus de son trône, naam, et avec toutes les créatures, avec sa science. Et il est avec d'autres, avec sa science, plus quoi ? Plus le secours et l'appui. Naam, il n'y a aucune contradiction. Et on avait donné le délire, par exemple, de celui qui est, par exemple, qui prend les jumelles. Et il dit aux autres, yani, allez combattre. Et il les voit à 1 kilomètre ou 2. Celui-là, il est avec eux. Naam, avec quoi ? Sa vue et sa science. Sa vue et sa science. Et, mais en vérité, où est-il ? Et il est au-dessus, et il est aussi à 2 km ou 3 km loin, dans une tente, ou dans un chalet, ou je ne sais pas où, en train de diriger les opérations. Il n'y a aucune contradiction. Il est avec les autres dans la bataille, et il est à sa place là-bas de l'autre côté. On a aussi donné le cas du téléphone. Naam, téléphone. Quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un téléphone, naam, tu peux dire par exemple, tu peux dire que X, hein, X est avec moi. D'ailleurs, tu demandes qui est avec moi. On te dit X, X est avec toi. Et tu reconnais qu'il est avec toi, mais en fait, il n'est pas avec toi. Il est à peut-être des milliers de kilomètres loin de toi. Mais il est avec toi aussi. Avec quoi ici? Il est avec toi avec le fait qu'il parle et avec son oui. Il t'entend. Naam. Il t'entend aussi. Naam. Pourquoi on va loin? Pourquoi on va loin? Prenons cet exemple. Cet exemple qui vient maintenant, il me vient à la tête. Moi, ne suis-je pas maintenant au Koweït? Je suis au Koweït. Naam. Mais, ne suis-je pas avec vous? Je suis avec vous. Je lis ici, Abu Asya, Abu Tsnim, Muslima, Mimi, Maha, Salama, Badr. Tout cela peuvent dire, ils disent par exemple, si son père l'appelle, il lui dit, attendez, je suis avec X, c'est-à-dire moi. Je suis avec Shir, je suis avec Flan. Subhanallah, mais pourtant moi je suis au Koweït. Mais tu ne mens pas si tu dis je suis avec X. Pourquoi? Tu es avec X, naam. Et lui, tu l'entends parce que lui, il est avec son parler, il est avec sa voix, naam, et lui aussi, il t'entend. Donc, je suis ici et je suis avec vous. Je suis avec vous dans votre chambre, dans votre salon, je ne sais pas où vous êtes, je suis avec vous. Naam, vous ne mentirez pas, vous allez dire, il est ici avec vous. Naam, ou là, il était là tout à l'heure. Ça fait 2 minutes, il était là. Maintenant, il est sorti. Naam. Maintenant, ça se dit, ça se fait pour des personnes. Comment ça se fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut joindre entre les choses contradictoires? Comme on a dit une fois, il est le premier, il est le dernier. Il est zahir, il est le batin. Alors qu'on ne peut pas, soit on est le premier, soit on est le dernier, soit on est le zahir, soit on est le batin. On ne peut pas joindre. Mais Allah ta'ala peut joindre entre des choses comme ça, naam, des attributs qui sont contradictoires. Naam, contradictoires, naam. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit aussi? Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, ne disait-il pas dans le hadith sahih que vous connaissez inshallah sûrement tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le voyage, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Allahumma, entre autres bien sûr, anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Ô Seigneur, ou là, ô Allah, c'est toi le compagnon dans le voyage et le khalife, celui que j'ai laissé à ma famille. Subhanallah al-Azim. C'est-à-dire, le khalif, c'est-à-dire, takhlufuni. C'est toi qui vas prendre ma place. Je vais m'absenter, m'éloigner de ma famille. C'est toi qui vas prendre ma place. Subhanallah al-Azim. Donc, en même temps, Allah Ta'ala, il est où? Il est chez la famille de cette personne qui a fait ce doigt. Mais en même temps, il est son compagnon du voyage. Regardez, il joue entre les deux. Il est à la maison. Alhamdulillah. Yani, bien sûr, avec sa science, etc. Et il est avec lui, avec l'autre, qui est en train de voyager. Et en même temps, il est au-dessus de ses cieux, établi sur son trône. Naam. Tayyib, qu'est-ce qu'il reste autre chose? Naam. وأما أهل الحلول فقالوا إن الله معنا بذاته في أمكنتنا. Alors que les gens, les houlouliyoun, dont on a parlé déjà une fois, les houlouliyoun. Vous connaissez les houlouliyoun? Ah, les houlouliyoun. J'ai parlé d'eux beaucoup la fois passée. J'ai dit que leur grande tête, c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi. Ensuite vient les acolytes. Les acolytes. Al-Bastami, Tilimsani, Ibn al-Farid. Les acolytes, hadou. Qu'est-ce qu'ils ont dit cela? Ils ont dit qu'Allah Ta'ala est avec nous, avec son entité. Comme moi, je suis par exemple avec mes enfants dans cette chambre. Ils ont dit Allah Ta'ala est descendu sur terre. Est descendu sur terre et il s'est manifesté dans les animaux, dans les arbres, dans place. Tu adores n'importe quoi car il y a Allah à l'intérieur. Il y a Allah à l'intérieur. Ça s'appelle Wihdat al-Wujud. L'unicité, l'unification de l'Wujud, si je puis dire, de l'univers. Naam. Moi, c'est Allah. Allah, c'est moi. Toi, c'est Allah. Allah, c'est toi. Tous, on est Allah. Hakda, il disait, subhanallah al-Azim. Il y a une phrase déjà célèbre, j'avais oublié, subhanallah al-Azim, qui disait. Yani, moi c'est Allah, lui c'est moi, c'est Allah, Allah c'est moi. Ensuite, il se pose des questions. Donc, qui c'est celui qui donne des ordres? Qui c'est qui reçoit les ordres? Si tu dis lui, c'est lui qui donne les ordres, je te dis lui, c'est moi. Si tu dis moi, je te dis moi, c'est lui. Mouhim, khalo, tachikchouka. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous préserve et préserve nos cœurs. Et Ibn Arabi, peut-être, je ne sais pas si je vous ai dit ça la fois passée, Ibn Arabi, il a dit que au point, il a un livre qui s'appelle Tafsir, s'appelle Fusus al-Ahkam, hein, c'est le Tafsir. Au point, il a dit, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Pharaon avait beaucoup plus de iman et de foi que Moussa. Subhanallah al-Azim, hada buhtanun azim, subhanak, hada buhtanun azim. Il dit Pharaon a connu Allah Ta'ala mieux que Moussa. Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon a tout adoré. Naam. Et Moussa, miskin, c'est un pauvre. Il adorait seulement Allah. C'est un pauvre. Nous, on dit qu'Allah est partout. Tu adores tout. Voilà la vraie unicité. Il faut tout adorer. C'est pas adorer seulement Allah Ta'ala. Donc pour toi, Allah Ta'ala, il est seulement sur les cieux et il n'est pas partout. C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent non, Allah Ta'ala est partout. Il est descendu et s'est manifesté et se trouve en moi, en toi. Moi, je suis une partie d'Allah. Toi, tu es une partie d'Allah. Le tout en forme Allah. A'udhu billah min hadha al-aqida. A'udhu billah min hadha al-aqida. Naam. Et quand on dit à celui-là, ce grand égaré, on lui dit, Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, wa yawm al-qiyamah, ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit que dans le verset, et le jour du jugement dernier, faites rentrer Pharaon au plus grand châtiment. Au plus grand châtiment. Comment tu dis que Pharaon est mieux que Moussa? Comment? Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, et le jour du jugement dernier, faites rentrer Pharaon au plus grand châtiment? Il te dit, si, subhanallah, Allah Ta'ala dit cela, naam, mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire le sens? Non, pardon, je ne sais pas, c'est quoi le sens? Je croyais qu'il fallait le faire entrer en enfer. Non, c'est pas ça le sens. Entrez-le dans le grand châtiment de l'amour du Seigneur. Voilà le grand châtiment, de l'amour du Seigneur, voilà, c'est ça le grand châtiment, c'est pas l'enfer. Subhanallah al-Azim. Vous voyez comment qu'il déforme. Subhanallah al-Azim. Vous savez que Moussa alayhi salam, quand il est allé parler à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il est revenu. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que sa nation qu'il a laissée avec son frère Harun ont adoré le veau. Il a tiré son frère par la barbe et les cheveux. Vous connaissez l'histoire. Ici, Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, regardez ce qu'a fait ici Moussa. Regardez ce qu'a fait ici Moussa. Et qu'est-ce qu'il a fait Moussa? Quand il a tiré son frère par la barbe, et il l'a même traîné. Il l'a même traîné. Naam. Pourquoi? On dit parce que ces gens-là ont adoré le veau. Le veau. Naam. Et ce n'est pas bien d'adorer seulement le veau. Il faut tout adorer. C'est pour ça que Moussa s'est mis en colère contre son frère. Il lui a dit, pourquoi tu les as laissés adorer le veau? Il faut tout adorer. Adorer le veau et les arbres et les moutons et tout. Pourquoi cela? Tu les as laissés seulement adorer un veau et l'attirer par quoi? Par la barbe. Vous voyez comment il déforme le Coran. Moussa a fait cela. Moussa l'a tiré par sa barbe à cause qu'ils ont la place d'adorer Allah Ta'ala. Subhanallah al-Azim. Hada buhtanun azim. Tayyib. Ensuite, Alhamdoulilah, il a dit ici, Cheikh Lahmo, ils disent, si tu es à la mosquée, Allah est dans la mosquée. Si tu es au souk, au marché, Allah est au marché. Il a dit, hein, si tu es dans les toilettes, ils disent, Allah est dans les toilettes. Et comme ça, naam, et nous, qu'est-ce qu'on dit? Et Al-Sunnah al-Jama'a, que disent? Ils disent, Allah Ta'ala est au-dessus du trône, au-dessus élevé du trône. Il n'est pas dans les toilettes, hacha. Il n'est pas dans le ventre de l'âne, hacha. Il n'est pas dans le souk, hacha. Naam. Comment serait-il dans le souk? Alors que le hadith sahih, que dit le hadith sahih? Il dit que le plus mauvais endroit, c'est le souk. Sur la terre. Le plus mauvais endroit, c'est le souk, le marché. Et le meilleur endroit, c'est la mosquée. Comme Allah Ta'ala nous apprend par le biais de son prophète que le souk, c'est l'endroit le plus mauvais et il se trouve là-bas. Non. Al-Sunnah al-Jama'a disent, c'est la science d'Allah qui est partout. C'est sa science. Rien ne lui échappe. Naam, sa science est partout. Tout ce que tu fais dans les toilettes ou ce qui se passe dans le ventre de l'âme, Allah Ta'ala le sait par détail. Mais lui, il n'est pas là-bas, Allah Ta'ala. Il est au-dessus des cieux. Naam, voilà Al-Sunnah al-Jama'a. Aujourd'hui, Cheikh Hadi, nous allons donner les ambiguïtés. Shubuhat. Nous allons donner les ambiguïtés de ces gens-là. Ensuite, nous allons les réfuter. Bidna Azawajan. Il a dit, leur première ambiguïté, c'est quoi? C'est lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Voilà, quelqu'un va dire, Alhamdulillah, moi j'ai lu le Coran. C'est le Coran qui a dit qu'Allah Ta'ala est avec nous où qu'on soit. Donc, pourquoi vous dites qu'il n'est pas avec nous? Allah, c'est le Coran lui-même qui dit qu'il est avec vous où que vous soyez. Naam. Donc, Allah Ta'ala est mélangé avec nous. Il est mélangé avec nous et il nous accompagne. Il est avec nous où que l'on soit. Il a dit, et pour réfuter cela, on va citer trois ou quatre choses. Premièrement, premièrement, le verset, il n'a pas dit cela. Naam. Vous avez dit ce qu'il n'y a pas dans le verset et ce qu'il y a dans le verset, vous ne l'avez pas dit, si je puis dire. Naam. Id law kana adh-dhahiru kama dhakartum la kana fi al-ayati naqd. Si, Cheikh Dillah Yahmou, si c'était comme ça son sens, donc il y aurait contradiction dans le Coran. Pourquoi? Car la contradiction serait dans le fait que Allah Ta'ala a cité dans plusieurs versets qu'il est au-dessus du trône. Et maintenant vous dites que il est partout avec chaque personne et dans tous les endroits. Donc, il y a une contradiction. Naam. Comment? Il est au-dessus du trône et il est avec nous. Moi, je suis au Koweït et je suis à Lyon. Pas possible. Je suis en Arabie Saoudite et je suis à Marseille. C'est pas possible. Vous dites qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône et en même temps il est en bas avec nous. C'est pas possible. Donc, ils seront obligés de quoi? De dire que donc il est au-dessus du trône et sa science est avec nous. Ce n'est pas lui. C'est sa science qui est avec nous. Non, ce n'est pas lui. Lui, où est-ce qu'il est? Au-dessus du trône. Avec les versets et les hadiths que j'ai cités plusieurs fois, c'est pas la peine de revenir pour yani, prouver cela. طيب. Deuxièmement, إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان. هذا ممنوع. Il a dit, le fait que la présence, une présence, ou l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, induise le mélange, que Allah ta'ala soit mélangé, ou bien qu'il soit avec nous, yani, il nous accompagne, il a dit, ce n'est pas vrai. Parce qu'en arabe, et le Coran est descendu en arabe, il a dit, parce qu'en arabe, la présence, des fois, elle induit le mélange et des fois l'accompagnement. Des fois le mélange et des fois l'accompagnement. Et l'accompagnement, des fois l'accompagnement absolu, des fois l'accompagnement dans un endroit. On va donner des exemples. Quand quelqu'un dit, usqouni labanan ma'ama, quelqu'un va dire, donnez-moi à boire du lait et de l'eau. C'est-à-dire quoi? Du lait et de l'eau mélangés. Donnez-moi à boire du lait et de l'eau mélangés. Ils vont prendre un demi-verre de lait et ajouter de l'eau. Et il va boire. Naam. Ici, c'est quoi? C'est le mélange. Le lait a été mélangé avec l'eau. Naam. Donc ici, ça induit le mélange. Et des fois, ça induit, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement dans un endroit. Tu as dit, j'ai vu X et Y assis sur un banc dans un jardin. Ça veut dire, ils sont accompagnés, mais ils ne sont pas mélangés. Ils ne sont pas rentrés l'un dans l'autre comme est rentré le lait dans l'eau et l'eau dans le lait. Non, chacun est assis de son côté près de l'autre. Ils ne sont pas mélangés. Non. Et des fois, il n'y a ni mélange ni accompagnement. Et pourtant, il y a présence. Je donne un exemple. En parlant d'une personne, on dit sa femme est avec lui. Sa femme est avec lui, alors que sa femme est à des milliers de kilomètres loin de lui. Et pourtant, lui il est dans un autre pays, je dis sa femme est avec lui. Naam, sa femme est avec lui, ça veut dire il n'a pas divorcé, elle est toujours avec lui, elle vit avec lui. Ou bien, elle est avec lui, yani, au téléphone. Elle est avec lui. Naam. Il y a une liaison entre eux. Pourtant, ils ne sont ni rencontrés, ils ne sont pas dans le même endroit, ni ils se sont mélangés. Naam. Tayyib, lorsque Allah Ta'ala dit, Inna Allah ma'al ladina attaqaw, Allah Subhanahu wa Ta'ala est avec ceux qui s'adonnent à la piété. Allah Ta'ala est avec les pieux. Naam. N'avons-nous pas dit que Allah Ta'ala est avec tout le monde? Pourquoi ici il dit il est avec les pieux? On va dire très simplement, naam, le fait que Allah Ta'ala soit avec des pieux, ça veut dire que ces pieux ont gagné ce que gagnent les autres quand Allah Ta'ala est avec eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah Ta'ala les voit, les entend et les cerne. Les cernes, et quoi? Ils ont gagné en plus que il est avec eux, avec l'appui, le renforcement et le secours. Naam, quand Allah Ta'ala est avec certaines personnes, il dit je suis avec certaines personnes, pas avec tout le monde, comme il a dit à Moussa je suis avec toi, il a dit à Moussa Haroun je suis avec vous, il a dit au prophète et à Abu Bakr je suis avec vous. Ça c'est une présence ou bien omniprésence, comment qu'on appelle ça, particulière. Naam. Donc ça yani, ça contient quoi? Ça contient en plus de que Allah Ta'ala est avec nous, avec son entente et son oui et son savoir et sa science, il y a aussi quoi? Il y a aussi l'appui, le secours et le renforcement. Troisièmement, il a dit wasfukum Allah bihada, lorsque vous dites que Allah Ta'ala Et partout il est avec nous, partout. Il a dit, Allah Ta'ala, quand il a cité qu'il était au-dessus du trône, et qu'il a cité, il est avec les pieux, il est avec les gens. Il a dit, Allah Ta'ala a voulu se faire des éloges. C'est dans un contexte de louange. Allah Ta'ala veut dire quoi? Veut dire, yani, comme on dit, Subhani, regardez, yani, de mes attributs, ce que je fais. Par exemple, je suis sur le trône, non, et je suis avec les gens, et avec tout le monde, avec ma science, mon oui, mon secours, mon ceci, mon cela. Il a dit, c'est pour vous prouver sa puissance. Il est au-dessus du trône, et en même temps, sa science est avec nous, ou bien son secours. Ça dépend, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une présence absolue ou relative? Non. Donc, Allah Ta'ala veut se louer. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Personne. Alors que vous, vous dites non. Vous dites, il est seulement sur la terre. Il n'est pas au-dessus des cieux. Allah Ta'ala est descendu, il est sur la terre, il est partout avec nous. Comme disent beaucoup de gens, tu lui dis où est Allah? Il te dit, il est avec nous. Et d'autres diront, il est dans nos cœurs. Où est Allah? Il est dans mon cœur. Allah Ta'ala est dans ton cœur. D'istaghfirullah, il va faire tawbah. Va faire tawbah et d'istaghfirullah, dit à Allah, pardonne-moi. Je t'ai fait rentrer dans un petit endroit qui fait, je ne sais pas, 5 cm ou 6, je t'ai mis à l'intérieur. Non, Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Il n'est pas dans les cœurs. C'est la sérénité qu'il descend dans les cœurs. Wa anzala sakinata alayhim ou ala qulubihim. C'est pas lui qui est descendu. C'est sa sakina. C'est sa sérénité qui est dans les cœurs de certains, des pieux et des alliés. Ils n'ont pas lui. Lui, il est au-dessus du trône. Chaque nuit, il ne descend pas pour entrer dans les cœurs. Naam. De toute façon, il y a beaucoup de fautes. Les gens font beaucoup de fautes. Je sais, avec de bonnes niyas, de bonnes intentions, mais avec quoi? Avec de l'ignorance. Et la bonne intention ne rend pas quelque chose qui est haram, elle ne la rend pas halal. Et quelque chose qui est bid'a, elle ne la rend pas sunna. Naam. Quelqu'un va faire des bid'a, il dit, j'ai une bonne intention. Mais si tu avais une bonne intention, tu aurais demandé le ilm et suivi la sunna pour que tu ne fasses pas la bid'a. Naam. C'est pas, tu sais qu'il y a le ilm, tu ne veux pas demander la science. Ensuite tu dis, moi, l'essentiel, Allah Ta'ala regarde les cœurs. Et moi j'ai une bonne intention. C'est pas là qu'on dit, innama al-a'mal bin-niyyat. Les actions dépendent des intentions. C'est pas là qu'on doit se baser sur ce hadith, non. Mais quand tu veux faire quelque chose après avoir demandé le ilm et tu veux la faire, tu te trompes. Subhanallah al-azim, tu t'es trompé. Là, innama al-a'mal bin-niyyat. Ah, les actions dépendent des intentions. Naam, je voulais, je sais que je n'ai pas le droit de donner de l'argent à quelqu'un, par exemple, je ne donne pas l'aumône à quelqu'un qui est un alcoolique pour qu'il ne boive pas de l'alcool. Non, je ne lui donne pas. Mais maintenant, je me suis trompé. Je l'ai vu avec la barbe et le kamis, j'ai dit ça c'est un R. Je lui ai donné. Ensuite, on me dit, hey, celui-là c'est un alcoolique. Il va directement acheter maintenant de l'alcool. Qu'est-ce que je dis? Innama al-a'mal bin-niyyat. Les actions dépendent de, les actes dépendent de quoi? Les actions dépendent des intentions. Je me suis trompé, j'ai pas fait exprès et j'ai quoi? J'ai même des hasanats. Mais ce n'est pas, je n'apprends pas, je fais des bid'as. Ensuite je dis innama al-a'mal bin-niyyat. Innama al-a'mal bin-niyyat. C'est comme ceux qui font par exemple le Mawlid an-Nabawi, ils font plein de bid'as. Ils te disent al-a'mal bin-niyyat. Naam, al-a'mal bin-niyyat. Moi j'aime le prophète et j'ai voulu fêter son absence, je ne sais pas quoi, alors j'ai fait ça. Non. On leur dit ici, ce qui s'applique, c'est quoi? C'est le hadith qui dit, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque fait une action qui n'a pas été légiférée par nous, elle est rad, elle est rejetée. Mardouda, rejetée, elle n'est pas acceptée. Non. Car celui qui a dit, les actions dépendent des intentions, c'est lui-même qui a dit, quiconque fait une action qu'on n'a pas légiférée, qui n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna, elle est rejetée. Donc avant de faire une chose, tu dois d'abord voir le Coran et la Sunna, si cette chose existe ou pas. Une seconde, inshallah ta'ala, j'allume le climatiseur parce que j'ai chaud. Une seconde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De toute façon, je ne l'ai pas allumé. Il était allumé. J'ai juste ouvert la porte. Ensuite, il a dit, quatrièmement, lorsque vous dites qu'Allah Ta'ala est partout, sur la terre, il est partout, comme disent beaucoup de gens, où est Allah, Allah est partout. Pareil. Quand vous dites Allah Ta'ala est partout, ça veut dire une des deux choses. Et les deux choses, ça veut dire une des deux choses, et les deux choses sont moustahil. Moustahil. Comment on dit moustahil en français? J'ai oublié. Moustahil. La première, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors que Allah subhanahu wa ta'ala est composé de morceaux. Non, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est composé de morceaux. Puisqu'il est partout, il a un morceau ici, un morceau dans notre chambre, un morceau dans l'autre immeuble, un morceau dans l'autre ville, des milliers de morceaux dans l'autre pays, et comme ça. Non, Allah est partout. Au Kuwait, ils disent Allah ta'ala est là. Impossible, non, c'est impossible. Au Kuwait, ils vont dire Allah est ici. En France, ils disent Allah est ici. Partout, Allah ta'ala est. Donc, Allah ta'ala est, subhanallah, décomposé. Il a beaucoup, non, des morceaux. Alors que là, ça, c'est impossible. Ou bien, ça veut dire que Allah ta'ala n'est pas un. Il est nombreux. Il y a un Allah qui est ici au Kuwait, l'autre il est là-bas, l'autre il est là-bas, l'autre il est dans l'autre chambre, l'autre il est dans la forêt, l'autre... Où tu es, il y a Allah avec toi. Donc, ils sont nombreux. Il a dit ça, c'est aussi impossible. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que Allah Ta'ala est un, et en même temps, il est au-dessus des cieux, et sa science est avec nous, et sa science est avec les créatures. Naam. Cinquièmement, قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق. Cinquièmement, et ce qui est grave, c'est que quand vous dites comme ça, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est descendu sur terre et s'est manifesté dans les créatures. Comme on dit, l'Hululiyya, comme j'ai dit tout à l'heure. Naam, l'Hululiyya ibn Arabi et ses acolytes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se trouve partout. Place. Il est rentrer dans les personnes, dans ces créatures, dans ces animaux. Un indien m'a raconté qu'un indou adore un arbre, adore un rocher, un caillou. Il lui a dit, pourquoi tu fais cela? Il lui a dit, moi je sais que Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Mais, je n'adore pas le caillou, etc. Mais, il descend et il rentre dans cela et puis il remonte. Mais je sais que Allah Ta'ala, regardez l'égarement où il peut arriver. Entre parenthèses, on dit un indien de quelqu'un qui habite en Inde. Qu'il soit musulman ou chrétien ou bouddhiste, on dit c'est un indien. Pour celui qui habite en Inde. Et on dit un hindou. Pour celui qui pratique la religion hindou de Bouddha, etc. Non. Quant à l'Indien, c'est celui qui habite en Inde, même s'il est musulman. C'est pour ça que j'ai dit, un Indien m'a raconté qu'un hindou. L'Indien qui m'a raconté, c'est un Ersalafi, masha'Allah. Non. Cheikh Allah Rahmou dit, et ça c'est du kufr. Ça c'est du kufr de dire qu'Allah Ta'ala est partout et il se manifeste dans ses créatures. ولهذا نرى ان من قال ان الله معنا في الارض فهو كافر. Il a dit, et c'est pourquoi on dit, ça c'est Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah qui dit, il a dit, et on dit, et c'est pourquoi on dit que quiconque qui dit que Allah Ta'ala est avec nous sur la terre, c'est un kafir. Quiconque qui dit que Allah Ta'ala est avec nous sur terre, il a dit, c'est un kafir. Et j'ajouterai sixièmement, il n'a pas dit sixièmement, je l'ajoute. Ça donnerait que les chrétiens. Salam alaykoum wa rahmatullah. Muslim, dis-moi où on s'est arrêté. Non, est-ce que vous m'avez entendu parler des juifs et des djahmites? Est-ce que vous m'avez entendu parler des juifs et des djahmites? Oh, l'Indien, j'étais loin. Oh, l'Indien, subhanallah al-adim. Ah, tayyib. Donc, ça fait longtemps que je suis déconnecté. J'ai dit que, sixièmement, c'est pas le cheikh qui le dit, c'est moi qui le dis. Hein. Sixièmement, le fait de dire que Allah Ta'ala est partout, que Allah Ta'ala est sur la terre avec nous et qu'il descend dans ses créatures, ça donne quoi? Ça donne que, subhanallah al-adim, que attendez, comment je vais dire cela? Ça donne que les chrétiens, non, sont mieux que qui? Sont mieux que ceux-là, les Houlouliyoun. Non, les chrétiens sont mieux. Pourquoi? Parce que les chrétiens, au moins, ils ont dit que Allah Ta'ala est descendu et rentré seulement dans Jésus. Ils disent pas qu'il est dans toutes les personnes. Il est ni dans la femme, ni dans le boulanger, ni dans le mécanicien. Il est rentré de Allah Ta'ala seulement dans Jésus. Ah, il est descendu en lui. Donc, ils sont mieux que Ibn Arabi et sa clique. Ibn Arabi et sa clique disent que Allah Ta'ala est descendu et il est partout. Il est rentré dans toutes les créatures. J'ai dit là, c'est un peu comme si je disais les juifs sont mieux que les djahmites dans l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de la main. Pourquoi? Parce que les djahmites ont dit que Allah ta'ala n'avait pas de main. Et les juifs ont dit que Allah ta'ala a une main, mais sa main est enchaînée, elle n'est pas tendue. C'est-à-dire qu'il est avare. Et Allah ta'ala a dit بَلْ Et Allah Ta'ala a dit que Allah Ta'ala a deux mains et qu'elles sont tendues. Donc les juifs ont nié la main, pardon, les djahmites ont nié la main d'Allah. Les juifs ont reconnu la main d'Allah et ont ajouté le défaut qu'elle n'était pas tendue, elle était yani, enchaînée ou bien liée. Et Allah Ta'ala a attesté qu'il avait la main et qu'elle était tendue. Subhanallah al-Azim. Vous remarquez que les juifs sont mieux le fait d'avoir dit que Allah Ta'ala a une main. Même si tu ajoutes un défaut, mais au moins tu as dit qu'il a la main. Les djahmites ont dit qu'il n'a pas de main. Tayyib, ensuite, il a dit, voilà, maintenant on va commencer à donner les dalils, les ayats qui parlent de quoi? De l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. نعم. ثم استوى على العرش. Puis s'est établi au-dessus du trône. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Ensuite, il a dit, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ensuite, il a, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Et il est avec vous et il a de ce que vous faites une claire vision. Et il a de ce que vous faites une claire vision. Donc, vous remarquez quand Allah Ta'ala dans ce verset a dit, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Il veut dire par là, il est avec vous, avec une omniprésence, yani absolue. Ça veut dire que il vous entend, il vous voit, il sait ce que vous faites. C'est pour ça qu'il a terminé le verset par quoi? Par Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala voit ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, c'est il est avec nous avec sa vision. Et avant cela, il a dit Ya'lam, il sait. Il sait ce qui sort de la terre, il sait ce qui rentre, il sait ce qui monte en haut, il sait ce qui descend. Donc, et avant cela, il avait dit, Stawa al-Arsh. Il s'est établi sur le trône. Ensuite, il a commencé à parler de sa science, de sa vision et de son oui. Donc, vous voyez que Allah Ta'ala a d'abord dit qu'il était sur le trône, au-dessus du trône. Ensuite, il a parlé de sa science à laquelle rien n'échappe. Donc, il n'y a pas de contradiction. Allah est au-dessus du trône et sa science est elle qui est avec nous. Naam. Ensuite, l'autre verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Pas de conversation secrète entre trois, sans que Allah ne soit pas le quatrième. Non. Wala khamsa illa wa huwa sadisum. Et il n'y a pas de conversation secrète entre cinq sans que Allah Ta'ala ne soit le sixième. Wala adna min dhalik, ou alors moins que cela, wala akthar, ou plus, sans qu'ils ne soient avec eux. Aïna makanu, où ils sont. Naam, où ils sont. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de mubtadi'a vont se baser sur ce verset. Ils vont dire, Allah ta'ala a dit, si vous êtes trois, il est le quatrième. Si vous êtes cinq, il est le sixième. Si vous êtes moins ou plus, il est avec toi. Donc c'est une preuve que Allah ta'ala est avec nous, c'est-à-dire partout sur terre. Partout sur terre. Nous on dit, A'udhu billahi min shaitan rajim, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas cela qu'il a voulu dire. La preuve, c'est que il a commencé d'abord par parler, yani, en parlant d'abord de son trône, naam. Ensuite, quand il a dit qu'il était au-dessus du trône, il a dit que je suis avec mes créateurs, etc. Pardon, avec mes créations, c'est-à-dire avec ma science, naam, ma science et avec yani, mon oui, avec ma vue, et comme ça. Quant à moi, je suis au-dessus des cieux. Je suis au-dessus des cieux, naam. Regardez ici quand il a dit même une joie salata illa wa huwa rabi'hum, quand il a dit ils ne sont pas trois sans qu'il ne soit pas le quatrième. Pourquoi il a dit le quatrième? Pourquoi il n'a pas dit je suis le troisième? Il a dit je suis le quatrième. S'ils sont trois, je suis le quatrième. Donc c'est une preuve que Allah Ta'ala n'est pas min nafsil jins. Ce n'est pas la même sorte ni le même genre. Ceux-là, ce sont des êtres humains créés. Allah Ta'ala, c'est le créateur. C'est autre chose. C'est pour ça qu'on va le compter. Eux trois et lui le quatrième. Naam, on va le compter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même genre ni la même sorte. Mais, regardez quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلِثُ ثَلَثًا » On mécru ceux qui ont dit « Allah est le troisième de trois. » Le troisième de trois. Regardez, il n'a pas dit le quatrième de trois. Mais il a dit le troisième de trois. Il s'est fait compter à l'intérieur. Pourquoi? Parce que d'après eux, Allah Ta'ala, se trouve en eux, naam. Il n'est pas détaché, ce n'est pas jins. Ce n'est pas un autre genre, naam. Je ne trouve pas le mot jins, je dis quelque chose qui lui ressemble. Et ça, bien sûr, d'après eux, parce que pour eux, les trois sont Allah, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Jésus et le Père. Les trois sont Allah. C'est pourquoi ils ont dit Thalithu Thalatha, le troisième des trois. Ils n'ont pas dit le quatrième. Naam. Tayyib. Il a dit ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala leur fera connaître leurs œuvres, car Allah ta'ala est omniscient. Il sait tout. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va yani, les juger et leur montrer يَوْمَ الْقِيَامَةِ que voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez dit. Mais les gens, s'ils sont croyants, le jour du jugement dernier, s'ils sont croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va seulement leur montrer leurs actions. Ah, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Ensuite, il dira, سَتَرْتُوا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا. Ces choses-là, quand tu les as faites dans la dunya, je les ai cachées. Ah, je ne les ai pas comme ça montrées à tout le monde. Tu les as fait en cachette, je les ai cachées. Aujourd'hui, je te les pardonne. Aujourd'hui, je te les pardonne. Je voudrais dire ici que Allah Ta'ala pardonne à tout croyant يوم القيامة s'il veut, parce que cela dépend de sa volonté, sauf ceux qui faisaient les péchés comme ça, yani il les montrait comme ça, exhibé. Naam, c'est comme celui qui fait la chose comme ça devant tout le monde. Est-ce que celui-là yani mérite d'être excusé? Imaginez une femme, a'oudou billah, qui va faire la zina. Elle va la faire en cachette. Et elle ne veut pas que les gens sachent. Et elle ressent quelque chose dans son cœur. Imaginez celle-là, elle est toujours croyante, hein, tant qu'elle reconnaît que la zina est haram. Imaginez une autre, la prière, qui est croyante, et qui va faire cette chose devant les caméras. Et filmer, et tout le monde la voit. Subhanallah. D'après vous, il n'y a pas une grande différence entre celle qui a fait la chose en cachette, naam, en cachette, et celle qui l'a fait comme ça devant tout le monde. Celle-là, ça veut dire quoi? La deuxième, celle-là, c'est comme si elle défie Allah subhanahu wa ta'ala. Elle le défie. Naam, moi, je n'ai ni peur ni honte. Au contraire, je voudrais que ça se propage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui veulent que la fahisha et la zina se propagent entre les croyants, ceux-là, Allah Ta'ala a dit, ils auront un châtiment douloureux dans cette vie et dans l'au-delà. Subhanallah al-Azim. Dans cette vie et dans l'au-delà. Vous allez me dire, ou bien Subhanallah al-Azim, on voit des gens qui font la zina comme ça devant tout le monde et qui propagent cette chose, on ne voit pas qu'ils ont quoi? Qu'ils ont un châtiment douloureux dans cette vie. Peut-être qu'ils l'auront dans l'au-delà. Mais Allah Ta'ala dit dans le Coran, un châtiment douloureux dans cette vie et dans l'au-delà. Comment ça se fait? Et nous, qu'est-ce qu'on va leur dire? Alors, comment qu'on va faire? On va dire le Coran, il comprend des fautes. On va dire Allah subhanahu wa ta'ala a menti. Qu'est-ce qu'on va dire? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc on va dire quoi? On va dire Allah Ta'ala, juste derrière ce verset, quand il a dit ils auront un châtiment douloureux dans cette vie et dans l'au-delà, il a dit directement après cela Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Allah sait, naam, comment qu'il châtie cette personne de façon à ce que nous, on ne serons même pas compte. Naam. Comment que Allah Ta'ala, pourquoi la châtier? Ce n'est pas obligatoirement qu'elle fasse un accident, qu'elle tombe de l'immeuble. Ce n'est pas seulement ça. Non, il la châtie déjà dans le cœur. Il lui serre son cœur jusqu'à ce qu'elle vive le calvaire dans cette vie. Elle vit Jahannam. Elle est dans cette vie, elle a tout. Elle a l'or, et les palais, et les belles voitures. Et elles ne sont pas le bonheur. Et elle est là, en train de pleurer. En train de faire des dépressions. Allez, premièrement. Deuxièmement, est-ce que nous, on est tout le temps avec cette personne qui a fait cette chose? On n'est pas tout le temps. Qui va dire que dans 15 jours, dans 15 jours, dans un an, elle va avoir le sida, elle va avoir le cancer? Non. Nous, on l'a vu, les gens l'ont vu à la télévision, elle n'a rien, elle joue, elle rigole, elle n'a pas peur. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin de sa vie? Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Qu'est-ce qui va se passer quand elle va faire des analyses? On lui dit, tu as le sida. Mbrok alik, mbrok, tu as le sida. Ah, shift. L'amadaboun alimun fi dunya ou l'akhira. Wallahu ya'lam, Allah sait. Et vous, vous ne savez pas. Naam. Tous, Allah Ta'ala les châtie. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il propage et il montre. Tu as fait le grand péché. Au moins fais-le en cachette. Tu le fais comme ça devant tout le monde. Au moins fais-le en cachette. Ce n'est pas bien de le faire. Mais fais-le en cachette. On ne le fait pas comme ça devant tout le monde. Quand je dis fais-le en cachette, ça ne veut pas dire aller le faire. Astaghfirullah. J'ai dit, mais il y a mal et mal. Naam, il y a mal, le moindre mal, le grand mal, le plus grand mal. Et comme ça. Naam. Et celui qui a fait cette chose en cachette, il a fait un très grand mal, mais moindre mal que celui qui l'a fait comme ça, devant les caméras, et qui se propage dans le monde, on le voit. Naam. Car celui qui a fait la chose en cachette, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il a fait. Le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala peut lui pardonner, lui dit, je t'ai pardonné. Et moi, quand je vois Allah Ta'ala pardonner à cette personne, je ne sais même pas ce qu'elle a fait, cette personne. Maintenant, s'il va le pardonner à celle qui a fait comme ça devant tout le monde à la télévision, imaginez combien il y a de personnes qui vont ne pas être ravi le jour du jugement dernier et dire oh Allah, oh Allah, cette personne, moi je l'ai vu. L'autre il va dire, moi je l'ai vu, moi je l'ai vu, moi je l'ai vu, moi je l'ai vu. Donc si tu lui pardonnes, pardonne-moi moi aussi. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Ah, khlas. Maintenant Allah Ta'ala, il est équitable, c'est le plus juste. Et c'est le plus juste. Naam, tous sont contre. Tous sont contre, mais l'autre non. C'est entre elle, elle a fait la chose, entre elle et Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si elle a fait la tawba, elle a fait la tawba, Allah Ta'ala est pardonneur. Naam. Même l'autre, je dis même l'autre, celle qui a fait comme ça devant la télévision, si elle fait la tawba, Allah est pardonneur. L'essentiel, c'est qu'elle ne meure pas avant de mourir. C'est qu'elle fasse la tawba بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. Ensuite, نعم. Le troisième verset, c'est quand Allah Ta'ala a dit لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. Ne sois pas attristé. Allah Ta'ala est avec nous. Ou bien, ne t'afflige pas. Allah Ta'ala est avec nous. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Abu Bakr, quand ils sont rentrés dans le trou avec la caverne de Thawr, Ghar Thawr, il lui a dit, ne t'afflige pas, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Naam. Ici, je demande à ceux qui n'ont pas le point rouge, ici, Allah ta'ala est avec nous. Naam. C'est une omniprésence générale ou bien particulière? J'attends, inshallah ta'ala, votre réponse. J'attends, inshallah ta'ala, votre réponse. Si vous savez pas la réponse, je ferme le salon et je pars. Je vais dormir. Si vous connaissez pas la réponse. Tayyib Minhaj al-Uqtadi général. Muslim, alhamdoulilah, donne-moi ta réponse. Donne-moi ta réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec Abu Bakr. Naam. Subhanallah al-Azim. Le prophète alayhi wa sallam parle avec Abu Bakr. Il lui dit Allah est avec nous. Si c'était une omniprésence générale, à quoi ça sert qu'il lui dise Allah est avec nous? Tout le monde sait que Allah est avec nous. Mais s'il veut lui dire, n'aie pas peur, ne t'afflige pas, Allah est avec nous avec une présence particulière. Qui comporte quoi? Qui comporte l'appui et le secours. À part la présence générale, qui comporte quoi? Que Allah Ta'ala sait, voit et nous entend. Non, ici il veut lui dire, en plus de cela, on a une assistance particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tahzan. Ne sois pas affligé. Inna Allah ma'ana. Naam. Tayyib. Quand il lui a dit ça, Inna Allah ma'ana, la tahzan, Inna Allah ma'ana. Beaucoup de gens disent que ici, Allah ta'ala a envoyé une araignée. Elle a tissé une toile devant le trou. Et un pigeon femelle qui a pondu un œuf. Donc, les mouchrikoun, quand ils sont arrivés, ils ont vu ça, ils ont dit c'est impossible. Comment serait-il à l'intérieur alors qu'il y a une araignée qui a tissé sa toile? Et encore, comment serait-il à l'intérieur? Pourquoi le pigeon ne s'est pas envolé? Le pigeon est là, assis sur son œuf, en train de couvrir son œuf. Les ulama disent ces deux hadiths ne sont pas vrais. Le hadith de l'araignée et le hadith du pigeon qui a pondu n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est pas vrai parce que c'est pas vrai. Parce que la chaîne contient des gens qui ne sont pas fiables, etc. Ça, c'est du côté hadith. Deuxièmement, de l'autre côté, parce que s'il y avait la ankabout, naam, s'il y avait l'araignée et le pigeon, ça n'aurait pas été un miracle. Naam, c'est pas un miracle. Car quiconque, s'il est dans un trou et il y a un pigeon avec son œuf et une araignée, personne, yani tout le monde, alors dira qu'il n'est pas dans le trou. Donc, même un kafir, s'il rentre dans le trou et il y a une araignée qui va venir faire cela et un pigeon, tout le monde dira qu'il n'est pas dans le trou parce qu'il y a cela. Mais Allah Ta'ala a voulu montrer que il n'y a rien. Il n'y a ni pigeon, ni araignée. Et ils sont là, devant l'entrée. Ils sont devant l'entrée. Et Allah Ta'ala, que fait-il? Il détourne leur attention. Il pas qu'ils regardent en bas. Ils sont en train de regarder en face. Imaginez-vous devant un tunnel, vous regardez en face. Alors qu'en bas, il y a un trou. Juste vous descendez. Vous descendez vos yeux, vous allez voir Abu Bakr. Mais qui commande nos yeux, nos mains, nos cœurs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah ta'ala ne veut pas, tu ne peux pas regarder dans telle ou telle direction. Il te bloque. Pour une sagesse particulière, tu es bloqué, tu ne peux pas voir ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas. Tu ne regardes que en face. Et il te fait de sorte que ça ne te vienne pas à l'esprit de regarder par en bas. Naam, il te fait oublier qu'il y a un regard vers le bas. Il te fait oublier. Tu ne penses jamais à ça. Ça te vient jamais à l'esprit que. Et pourquoi je vois pas vers en bas? Cette question ne te vient jamais à l'esprit. S'ils avaient seulement descendu un peu les yeux, ils les auraient vus. Mais Allah Ta'ala veut leur dire, et le prophète alayhi sallam veut dire à Abu Bakr, ne t'afflige pas, puisque Allah Ta'ala est avec nous, en nous assistant, en nous aidant, en nous secourant, ils ne pourront rien faire bi'idnillah Ta'ala. Ils arriveront devant le trou, verront et ne nous verront pas. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-Azim. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. Naam. Vous ne remarquez pas que quand Allah ta'ala veut une chose, il te fait déjà oublier des choses. Naam. Il te fait. Subhanallah, tu marches dans la rue, une personne que tu connais très bien, si Allah ta'ala ne veut pas que tu la vois, tu la rencontres de face et tu la vois pas. Ou alors tu la vois, mais tu penses à autre chose. Tu penses à ton grand problème, alors tu ne remarques pas que c'est cette personne. Et mieux que ça, il est possible que cette personne, te dise salam. Et tu lui réponds, lui alaykoum salam. Et, subhanallah, le lendemain ou là, quand il te dit, quand on s'est rencontré, tu étais pressé, tu lui dis, ça fait un an que je ne t'ai pas rencontré. Tu dis, si, hier, devant la tour Eiffel. Subhanallah, je ne t'ai pas vu. Tu ne m'as pas vu. Si tu dis salam, tu m'as répondu. Allah, je ne me souviens pas, subhanallah. Naam, ta tête, yani, ton cerveau n'était pas avec toi. Allah Ta'ala ne veut pas. Yani, tu ne peux pas faire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Naam. Tayyib, autre chose ici. Je crois que d'ailleurs, on va arrêter ici pour répondre à vos questions. Naam. Maintenant, il va parler de Fir'aoun. Quand il a envoyé Moussa et Haroun, il leur a dit « Idhaba ila Fir'auna, innahu tagha » Allez vers Fir'aoun. Pourquoi ? Il s'est rébellé ou l'a rebellé. Naam. « Faqula lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadhakkaru ou yakhsha » Puis, parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il de moi ou me craindra-t-il? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna wa yatgha. Oh mon Seigneur, nous craignons qu'il nous maltraite indûment ou bien qu'il dépasse les limites. Qu'a répondu Allah Ta'ala? Qala la takhafa, n'ayez pas peur. Innani ma'akuma, je suis avec vous. Asma'u wa ara, je suis avec vous. Bon, dites-moi barakallahu fikum. Ici, je suis avec vous, une présence particulière ou générale. J'attends Inch'Allah Ta'ala muslim, mais le minhaj et les autres. C'est une présence générale ou bien particulière? Il dit à Moussa et son frère, je suis avec vous. Je vois et j'entends. J'attends Inch'Allah Ta'ala la réponse. Donnez-moi une seule réponse, je me suffis, sauf si elle est fausse. J'attends votre réponse particulière. Naam, jazakallahu khayran. Particulière. Il parle avec qui? Avec Moussa et son frère. Particulière. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? J'entends et je vois. Ça rentre aussi dans l'omniprésence générale. Parce que Allah Ta'ala est avec tout le monde, avec son oui et sa vision. Mais ici, il veut dire, je vous entends, je vous vois, mais je vous porte secours et je vous assiste. Car ma présence est avec vous, vous deux. Naam. Tayyib, Asmawara. Remarquez ici une chose. Quand Allah Ta'ala les a envoyés vers Fir'aoun, qu'est-ce qu'il leur a dit? Parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il de moi. Parlez-lui avec douceur. Imaginez, le plus grand tyran du monde, Allah Ta'ala envoie deux messagers et leur dit, par rapport à ce plus grand tyran du monde, parlez-lui avec gentillesse et douceur. Alors qu'en est-il de nos frères et nos sœurs qui parlent avec les frères et les sœurs? Avec quoi? Avec yani violence. Avec violence. Subhanallah. Fir'aoun. Allah Ta'ala leur dit, Fir'aoun, mon plus grand ennemi, parlez-lui avec gentillesse et douceur. peut-être qu'il va revenir et regretter. Et nous, on parle avec des musulmans et des musulmanes avec violence. Et si on pouvait, on les battait. Si on pouvait. On leur donnerait des coups de poing. S'ils ne veulent pas accepter ce qu'on dit. Subhanallah. Vous vous souvenez une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, enfin je vous l'ai dit, c'est sûr. Peut-être pas tout le monde l'a entendu. Une fois, une personne est allée chez Haroun al-Rashid, le grand calife. Et en arrivant chez elle, elle voulait lui faire un rappel, mais avec violence. Hey, toi le gouverneur, taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es injuste, tu fais ceci, cela, tyran. Subhanallah al-Azim. Haroun al-Rashid, qui avait beaucoup de ilm, lui a dit, hey, toi, une seconde. Allah ta'ala a envoyé quelqu'un qui est mieux que toi, Haroun et Moussa, à quelqu'un qui est plus tyran que moi, Fir'aoun, et il leur a dit, parlez-lui avec gentillesse et douceur. C'est moi qui te dis taqillah. Naam, sinon il l'emprisonne. Subhanallah l'adim, vous voyez la hikmah, la sagesse. Il lui a dit taqillah, c'est toi qui es taqillah. Allah Ta'ala a envoyé quelqu'un qui est mieux que toi. C'est Haroun et Moussa, deux messagers. À quelqu'un qui est plus tyran que moi, Fir'aoun, il y a plus que Fir'aoun. Et il leur a dit, attention, parlez-lui avec douceur et gentillesse. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu étais dur et avais un cœur dur, il se serait enfui de toi, dispersé. Ça veut dire, ya Rasulallah, si tu veux gagner dans la da'wah et te faire entourer de gens et de musulmans et de croyants et les attirer vers toi, n'aie pas un cœur dur et ne sois pas violent. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été la cause de millions de gens qui sont rentrés dans l'islam. Il est venu avec la douceur et la gentillesse. C'est lui qu'on prenait, on le prenait par le cou. On lui disait, donne l'argent. L'argent n'est pas l'argent de ton père. Donne-nous de l'argent, distribue l'argent que tu as reçu du butin. Distribue. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il veut. Quand il lui a dit comme ça, il lui a serré, il le serre par le cou, au point de le lui laisser les traces. S'il veut, qu'est-ce qu'il veut, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il lève seulement un peu les mains. Il dit, Ya Allah, kfini sharr al-insan. Oh Allah, préserve-moi de cette personne, ou là, châtie cette personne, ou là, un petit doigt. Sur le cou, la personne, ou bien mourra, ou bien sera volatilisée. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Pardon, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très doux, il ne veut pas. C'est pour ça que quand on lui a fait beaucoup de problèmes, les kuffars, un ange est venu lui dire, écoute, ô Muhammad, je suis l'ange des montagnes. Vous savez, les montagnes ont aussi des anges. Le soleil a un ange, la pluie a un ange, et comme ça. Les herbes ont un ange, le vent a un ange. Naam. Il a dit, je suis l'ange des montagnes. Allah Ta'ala m'a envoyé pour te dire, si tu veux, tu vois ces deux montagnes qui sont de face. Si tu veux, je les fais courber, naam, et je les fais descendre comme ça sur cette nation-là. Elle va être détruite et anéantie. Tu veux? C'est Allah qui m'en a envoyé. Il t'a dit, seulement, il m'a dit de te demander la permission. Dis-moi seulement oui. Et tu vas voir ces deux montagnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il lui a dit non. Mais j'ai dans le cœur et j'ai dans le souhait que de ces gens-là sortiront des gens qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala. Non, même si ceux-là sont contre moi, mais j'ai fait le vœu, j'ai un souhait que peut-être de ceux-là, il y aura des gens qui sortiront, qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une chose où il y a la douceur, non, sans que cette chose ne soit belle. Et il n'y a pas une chose démunie de douceur sans que cette chose ne soit moche. Naam. Et il a dit aussi que yani, la douceur, etc., ne fait apporter que le bien. Et je vous ai dit plusieurs fois, essayez et rendez-moi la réponse. Essayez et rendez-moi la réponse. Faites un essai, faites un essai. Il y a quelqu'un qui est assis dans un jardin sur un banc. Naam. Envoyez, par exemple, qu'est-ce qu'il a? C'est un musulman, par exemple. C'est un musulman, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a, par exemple? Il a une bouteille d'alcool, il est en train de boire. Un verre, ou là, il boit comme ça. Naam. Il est seul dans un banc. Tayyib. Envoie-lui deux personnes, l'une après l'autre. Envoie-lui la première personne violente, avec un bâton, naam, un bâton, ou là, une barre de fer dans la main. Et dis-lui, va essayer de convaincre celui-là qu'il arrête de boire. Naam. Et il va chez lui. Écoute-toi, l'ennemi d'Allah. Écoute-toi, l'ennemi d'Allah. Tu as 2 secondes. Si tu n'arrêtes pas ou là, tu jettes pas la bouteille, c'est ta tête qui va être rongée. Naam. Premièrement, si cet alcoolique venait à, supposons, jeter la bouteille, supposons, est-ce qu'il le ferait? Il le ferait par conviction? Jamais de la vie. Maximum, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as fait peur, c'est tout. Tu lui as fait peur avec la barre. Mais l'alcool brûle dans son cœur. L'amour de l'alcool brûle dans son cœur. Quand tu vas partir, il va se jeter par terre et lécher avec sa langue l'alcool qu'il vient de verser. Tu viens de lui casser. Et dès qu'il a 10 euros ou la 100 ou la je sais pas, il va courir au bar acheter quelque chose. Tu n'as rien fait. Non, tu n'as rien fait. Et celui-là va te détester beaucoup plus. Il va dire, non, je ferai tout sauf l'alcool, jamais je ne l'arrêterai à cause de cette personne. Non. On voit maintenant une deuxième personne qui a la sagesse, la douceur et la hikmah, qui va aller à cette personne. Ahlan bikoum. Alors, je crois que tu as des problèmes, toi. Après, je vois la bouteille avec toi, c'est sûr que tu dois avoir des problèmes. Alors, il va commencer. Naam, wallah, je suis plein de problèmes. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas cela. Et maintenant, je n'ai plus qu'une issue. C'est quoi? C'est de boire pour oublier, pour rêver, pour m'évader des problèmes. Il faut que j'oublie, je ne peux pas. Et tu commences toi par hikma. Naam. Mais quand tu t'évades, ensuite, quand tu vas te réveiller, tu ne vas être plus saoul. Tu vas te réveiller. Naam. Les problèmes vont revenir. Et premièrement. Deuxièmement, regarde combien d'argent tu perds. Troisièmement, est-ce que tu sais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport à ceux qui boivent de l'alcool et qui ne font pas le repentir et meurent? Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un boit de l'alcool, dans la première fois, on le fouette. La deuxième, on le fouette. La troisième, la quatrième, il doit mourir. Tu sais, s'il y avait la sharia, ça aurait été grave pour toi. Demain, quand tu meurs, tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, apporté par Sheikh al-Albani, que celui qui meurt en buvant de l'alcool, c'est-à-dire n'a pas fait la tauba, sera comme Abidouwathan, l'adorateur de la statue. Naam, celui qui meurt et n'a pas fait tauba de l'alcool sera le jour du jugement dernier comme l'adorateur de quoi? De la statue. Vous voyez quel est le point commun? Vous voyez le point commun? L'autre il a adoré la statue, l'autre il a adoré la bouteille. L'autre il a adoré la statue, l'autre c'est un adorateur de la bouteille. La bouteille du matin au soir, elle est avec lui, il est collé à elle, comme l'autre est collé à sa statue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Qatifa. Naam, il a nommé, naam, il a dit Ta'isa est malheureux, Abd, l'adorateur du dinar. Le dinar, on peut l'adorer. Le dirham, on peut l'adorer. Le dollar, l'euro, on peut l'adorer. À ne pas faire la prière à cause de l'euro, au point à jeter le voile. La femme jette le voile. Je dis, parce que je dois travailler, rentrer de l'argent. Naam. Et comme ça. Donc, des fois, tu parles avec quelqu'un avec hikma, avec douceur, avec gentillesse. tu lui fais tomber des larmes des yeux. Tu lui fais tomber des larmes des yeux. Et quand tu pars, ça va lui travailler. Et peut-être un mois, peut-être une semaine, peut-être une année, je ne sais pas, ça va donner le fruit. Ce que tu as dit est rentré dans le cœur. Il est rentré dans son cœur. Non. Règle générale, quelqu'un accepte de toi quand tu fais la da'wah, montre-lui que tu lui veux du bien. Car les gens, c'est inné en eux. C'est inné en eux que tous les gens aiment ceux qui leur montrent qu'ils leur font du bien. Moi, toute personne, si elle me fait sentir qu'elle me veut du bien, j'aime cette personne. Je l'aime. Subhanallah, elle me veut du bien. Naam. Alors, si tu veux qu'on accepte de toi, ne te mets pas en haut et eux en bas. Toi le pieux et eux les pervers. Toi le sunni et eux les mubtadi'a. Mais vas-y doucement et montre-lui que cette faute, tout le monde l'a fait. Et que peut-être même moi j'ai fait ça. Mais je te veux du bien pour que tu rentres pas, que tu sois pas dans la même faute que moi. Je te veux du bien pour que demain, quand tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un grand paradis qui t'attend. Je te veux du bien. Je veux pas demain que tu ailles en enfer. Qu'Allah ta'ala te châtie. J'aime pas ça. Car tu es une personne, mashallah. Je te veux du bien. Je sens que tu es sincère. Je sens cela. Naam, celui-là, il acceptera à 90% de toi. S'il n'accepte pas, ça, c'est rentré dans son cœur et ça va lui travailler jusqu'au jour où, bi'idhnillah ta'ala, ça donnera, bi'idhnillah ta'ala, son fruit. Naam. Tayyib, maintenant, il y a quelque chose de très important, mais je la laisse à cause du temps qui ne suffit pas. Je vais vous dire une chose d'abord. Naam, une chose d'abord. On va passer, inshallah ta'ala, aux questions. Mais dommage, dommage pour ceux qui ont levé la main, car j'allais leur dire une chose et j'ai oublié de la dire. Tayyib, comment dire cela? Naam. Regardez mon pseudo, Ibn Taymiyyah 1. Il reste seulement, je crois, même pas un mois. Même pas un mois, il va se terminer. Il va devenir noir. Je vais jeter, on va m'enlever le qamis, là. C'est pas le costume, le qamis bleu que je porte. Donc, je vais devenir noir. Étant noir, je ne peux pas rentrer dans les salles. Je ne peux pas rentrer dans les salles. C'est pas comme vous en France. En Arabie Saoudite, en Algérie, en Europe, pays arabes, le paltok a enlevé, a interdit l'entrée. Personne ne peut rentrer. C'est pas comme vous rentrez. Il faut payer ici pour rentrer. C'est pour ça que on achète le kamis bleu. El Mouhim, puisque mon pseudo, il ne lui reste que quelques jours et que je dois le teinter. Or, j'ai préféré le teinter pas avec Ibn Taymiyyah, mais avec mon nom et mon prénom. Le diminutif de mon prénom et mon nom. Ça y est. Premièrement. Deuxièmement, une personne. Ah, deuxièmement, une sœur, une personne m'a fait une petite remarque. Elle m'a dit, Cheikh, elle m'a dit, il y a certains ulama qui disent, elle m'a envoyé le lien de Cheikh Rabia, Hafidhahullah. Elle m'a dit, certains ulama disent que pourquoi les gens se cachent derrière leur pseudo si ces gens n'ont rien à se cacher. Ils sont dans la sunna, ils sont dans le minhaj. Pourquoi alors se cacheraient-ils derrière les pseudos? Naam. Surtout, bien sûr, ceux qui font la da'wah, pas les autres. Hein. Naam. Donc, elle m'a dit de préférence, yani, de ne pas rentrer avec Ibn Taymiyyah. Bon, j'ai dit à cette personne, je lui ai dit, ça, c'est une bonne remarque, et je lui ai dit, barakallahu fik, etc. Mais je lui ai dit, je te fais juste une petite remarque. Jamais moi, je n'ai ouvert mon salon sans que je ne mette dans la bannière la phrase www.ibntaymiyyahjiran.com. Et quand on clique à l'intérieur, on va trouver quoi? Des choses. Et entre autres quoi? Ma biographie. Depuis ma naissance, la ville où je suis né, jusqu'à ce jour. Muslim, alhamdoulilah, c'est vrai ou là, c'est pas vrai ça? Est-ce qu'un jour, sache, alhamdoulilah, barakallah, est-ce qu'un jour je suis rentré, il n'y avait pas Ibn Taymiyyah en haut? Et quand on clique à l'intérieur, on trouve ma biographie. Ensuite, elle m'a fait une remarque qui m'a plu. Une remarque qui m'a plu. elle m'a dit, j'ai entendu une sœur dire, Ibn Taymiyyah a dit. Elle m'a dit, j'ai cru que c'était Ibn Taymiyyah le vrai. Ensuite, j'ai su que c'était vous, car c'est une de vos élèves, elle parlait de vous. Elle m'a dit, mais s'il y a d'autres gens, Naam, par exemple, un de vos élèves va dire, Ibn Taymiyyah a dit, en parlant de moi, certains gens vont croire que c'est l'autre Ibn Taymiyyah. Comment vont-ils savoir que c'est moi Ibn Taymiyyah? Non, ils vont dire, Ibn Taymiyyah a dit l'autre, le grand alam. Et ils vont faire propager des choses qui ne sont pas vraies. Donc pour tout cela, qui est décidé, inshallah ta'ala, de quitter ce Ibn Taymiyyah, et maintenant de rentrer, inshallah ta'ala, avec mon prénom et avec mon nom. Donc, ce que je veux dire maintenant, puisque je vais rentrer avec un autre prénom et un autre nom, c'est que je vais rentrer dans un autre salon, pas celui-là. Car on ne peut pas, avec un autre pseudo, ouvrir le même salon. Donc ce salon, qui s'appelle Apprendre l'islam sur le vrai minhaj, c'est la dernière fois que vous le voyez. C'est la dernière fois que vous le voyez ici. C'est pour ça, l'autre salon, je l'ai appelé, celui-là il s'appelle Apprendre l'islam sur le vrai minhaj. L'autre il s'appelle J'apprends l'islam. J'apprends l'islam sur le vrai minhaj. Que j'ai essayé au maximum de ne pas le changer pour que les gens ne se trompent pas. J'ai pas pu écrire Apprendre l'islam sur le vrai minhaj, il ne peut pas te donner deux mêmes salons. Alors je l'ai appelé Apprendre l'islam, J'apprends l'islam sur le vrai minhaj. Naam. Donc, en maintenant, je vais vous quitter, inshallah ta'ala. Je vais ouvrir l'autre salon. C'est là-bas, inshallah ta'ala, qu'on va faire des questions-réponses. N'oubliez pas, donc c'est pour ça que ceux qui ont levé la main, les messakines, mais c'est comme ça. Je ne sais pas, ils vont perdre, c'est sûr, ils vont perdre leur quoi, leur place. Alors n'oubliez pas, quand vous allez rentrer maintenant dans le prochain salon, que je vais ouvrir, inshallah ta'ala, n'oubliez pas de le mettre, quoi, messakine, naam. N'oubliez pas de le mettre. Rappelez-moi que Omar de Hada, inshallah, on lui donne la parole parce qu'il est le premier miskin, il va perdre sa place. N'oubliez pas de mettre le prochain salon, de le mettre où? De le mettre dans les favorites. Comme ça, quand vous rentrez, vous cliquez direct favorite, vous vous trouvez dans le salon. Et d'effacer le salon où c'est écrit Apprendre l'islam sur le vrai minhaj. Donc, أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ونسرق إن شاء الله تعالى على بعض دونزين ودو مينوت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب كم جدي إن شاء الله تعالى جدي que aujourd'hui إن شاء الله تعالى on va répondre à quoi aux questions qui ont rapport ou bien avec le cours ou bien avec la aqidah en général. Pas autre chose, inshallah. Mais, inshallah ta'ala, demain et après-demain, on fera des cours, on fera des questions-réponses seulement, spécialement pour vous. Naam. Demain, inshallah ta'ala, jeudi, il y a, je crois, les repères de la sunnah. Après eux, inshallah ta'ala, on fait deux heures seulement de questions-réponses. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Aliya, tafazali. Ibn al-Qayyim, est-ce qu'il est là, Ibn al-Qayyim? Muslim, sinon, lis, inshallah ta'ala, je t'en chouffe, Ibn al-Qayyim. Muslim, tu as le micro, Muslim, alhamdoulilah. As-tu le micro? Tafazal, lis, inshallah. Naam, est-ce qu'il y a du son, inshallah? Naam, donc, cher, on me dit que la salle, elle est limitée à 100 personnes. Il doit avoir un problème, Allahu a'lam. Salamu alaykoum. Ma question est sur Tauba. Allah pardonne-t-il les péchés commis en connaissance de cause? J'ai lu un verset du Coran qui dit qu'Allah me pardonne un péché commis par connaissance. Je ne trouve pas le dalil. Une seconde, inshallah ta'ala. Cette remarque est très pertinente. Comment se fait-il que la salle ne prenne que 100? Comment se fait-il que la salle ne prenne que 100, inshallah ta'ala? Alors, Inch'Allah Ta'ala, mets le Coran, le temps que Inch'Allah Ta'ala, je vais voir, yani, avec l'admin Hada du Partok, pourquoi seulement 5%. Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai pas pu avoir une ma'loumat, puisqu'il y a des gens comme ça qui attendent. Astaghfirullah wa atoubu ilayh. J'ai dit donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va terminer dans l'autre salle, et demain, inshallah ta'ala, moi je vais voir comment je vais faire. Donc on va aller, inshallah ta'ala, dans la première salle. Il y a beaucoup de gens qui nous attendent, et donc ça va jouer encore une fois sur le fait de perdre les places, etc. Mais la ghalb, c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui attendent, on ne peut pas les laisser comme ça. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tfadhal, muslim, alhamdulillah. Tfadhal. نعم تفضل. Non, non, non. Non, j'ai pas dit il faut 100. Non, je leur ai pas dit il faut 100. Non, j'ai pas spécifié. Abadan. Si j'avais spécifié 100, pourquoi maintenant je cherche? Si j'avais spécifié 100, pourquoi maintenant je cherche? Non. J'aurais laissé l'akhar. Non. Attendez, inshallah ta'ala, une seconde. Non. طيب خلاص نلتقي إن شاء الله هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أطفال طيب sans perdre de temps إن شاء الله تعالى on va commencer بإذن الله سبحانه وتعالى où est-ce qu'ils sont الجماعة نعم الجماعة حانوت القلم تفضلي واسكي لي مسلم مي لي زوتر سوكي لي رونتري افيك مون ادمين مسلم واش توي حانوت القلم شتي اون في ان شاء الله لو بوان روج تفضلي عفوا جيت ان ستيرو السلام عليكم دونك لا كيستيون ني با ان رابور افيك لو كور شير. Donc je ne l'allais pas, Inch'Allah. Naam, cher. T'as faute de. Aïkoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ma'alish, puisque c'est un enfant qui veut lire quelque chose, c'est une exception, Inch'Allah ta'ala. Fadal al-Hanout al-Qalim dans le micro, Inch'Allah, à l'enfant. Et on va voir maintenant la salle si elle dépasse les 100. C'est écrit 98 en haut. On va voir si elle va dépasser les 100 ou pas. Fadal al-Hanout al-Qalim. Salam alaikum, Chir. J'espère que vous m'entendez. Je suis Sofiane. Je suis Sofiane de Belgique. J'espère que vous allez bien. Et votre famille ici. Et votre famille aussi. Nous, alhamdoulilah, ça va bien. En fait, je suis juste venu vous dire, c'est ma question, c'est pour, c'est, ça parle des djinns. Il y a pas longtemps, j'ai reçu, voilà, une nuit, je sais pas quand, j'ai reçu un coup, et je me suis retourné parce que je croyais que ma sœur, elle me réveillait. Et il y avait personne. Est-ce possible que ça soit un djinn qui est venu m'embêter? Et j'ai une autre question aussi, c'est pour ma mère. Un jour, vous avez dit dans un dars qu'on devait couvrir la nourriture du maghrib jusqu'au fajr. Si on laisse ouvert un jour, on le jette ou on... Par config, shir et salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, Sofiane, jazakallahu khayran. Et mashallah alik. Yani, je sais que tu es quelqu'un qui assiste beaucoup aux dourous. Inch'Allah ta'ala, tu n'auras pas 20 ans que inch'Allah tu seras quelqu'un qui fera des doros aux gens, Inch'Allah ta'ala. Naam. Je disais que, en ce qui concerne la première question de djinn ma djinn, Regarde, des fois, on sent des choses et elles ne sont pas vraies. On sent que si, comme si quelqu'un qui nous tire, ou là quelqu'un qui nous prend par les cheveux, ou là quelqu'un qui nous a tapé une petite tape, et ce n'est pas vrai. C'est seulement, yani, parce que on est en train de rêver et on n'a pas encore bien discerné entre le rêve et la conscience. C'est pour ça que des fois, on est en train de dormir et on voit des choses. On voit la porte de la maison, on voit le plafond, on voit les lampes, alors qu'on est en train de dormir. Des fois, en dormant, on croit qu'on est, subhanallah al-azim, à l'extérieur. C'est la même chose ici pour le djinn. Le djinn ne vient pas faire des choses pareilles, mais il vient dans quoi? Dans les rêves. C'est dans les rêves qu'il vient pour faire peur aux gens. Hein? Il leur fait montrer qu'ils tombent d'un immeuble, qu'ils tombent dans un puits, que la police court derrière toi. Il y a quelqu'un qui veut te frapper avec un couteau et comme ça une voiture. Et ça. Non. Alors ça, Inch'Allah Ta'ala, éloigne cette idée de toi. Inch'Allah Ta'ala, non, ce n'était qu'un rêve qui n'était pas très. Non. Et n'oublie pas avant de dormir de lire Ayatul Kursi. Tu peux, Inch'Allah Ta'ala, tu craches dans tes mains et tu lis. Et tu t'essuies bien, Inch'Allah Ta'ala. Et le shaitan ne peut pas t'approcher, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, en ce qui concerne une chose qu'on laisse sans couverture, sans la couvrir, non, sauf si c'est par exemple dans le frigo. Si c'est dans le frigo, il n'y a pas de problème. Si on la laisse comme ça sur la table, du manger par exemple une assiette ou bien une grande tasse, par exemple la chose où on met l'eau. La grande tasse où on met l'eau, qu'on prend par la main, par exemple, on la laisse comme ça. Non? De préférence, on ne mange pas cette chose, car Allah Ta'ala fait descendre une fois par an, non? Il fait descendre en une nuit une maladie très grave et très dangereuse sur toute chose qui n'est pas couverte. Or, on ne sait pas, peut-être que cette nuit-là, où je n'ai pas caché, la maladie est descendue. Et voilà que quelqu'un va faire les analyses où là, il se trouve malade d'une grave maladie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a posé la question à Cheikh Ben Baz Lahmou. Quelqu'un lui a dit, j'ai oublié de manger. Qu'est-ce que je vais en faire le matin? Il lui a dit, tu le donnes aux poules. Il lui a dit, si tu as des poules, tu leur donnes. Et toi, Sofiane, va voir si tu as des poules sous ton lit. Sous ton lit, si tu as deux ou trois poules, si elles sont là-bas, tu vas leur donner le manger que tu as laissé ouvert. Si tu n'as pas des poules sous le lit, et pourquoi? De préférence, il faut le jeter et ne pas le manger. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Un lapin, donne-le au lapin. La même chose. Si le lapin mange cette chose, donne-la au lapin plutôt que de la jeter. C'est-à-dire, on fait profiter au moins un animal. Bi-idhnillahi azza wa jal, jazakallahu khairan, hayyakallah. Et on passe à Omar. Où est-ce qu'il est, Omar Miskin, qui était le premier là-bas? Et qui a perdu sa place, on ne veut pas quand même le blesser. Omar, tafadhal, je t'enlève le rouge, tafadhal. Fik barakallah, ya Soufiane. Omar, je t'ai enlevé le rouge, hayyakallah. Allah yahyik. Wa alaykoum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Omar, si tu veux, inshallah ta'ala, prendre le micro, tu le prends directement. Je dis aux hommes, ceux qui veulent prendre le micro, ils peuvent le prendre directement pour ne pas perdre de temps. Ceux qui ont un micro à la maison, ils peuvent le prendre directement, inshallah. Omar, parce que tu as la faveur d'être le premier, on ne va pas te rendre. Tafadhal, maintenant pose ta question, inshallah. Est-ce que la question est terminée? Et Omar, si tu veux prendre le micro pour poser la question directement, tafadhal, inchallah. Tape 1 si la question est terminée. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Je pratique un sport et j'ai peur qu'il y a de la ressemblance au kuffar. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. S'il y a de la ressemblance au kuffar, il ne faut pas faire ce sport. C'est un peu comme le judo ou le karaté. Non, c'est un peu comme le judo ou le karaté. Si avant de commencer le judo ou le karaté, ou là le catch, on te demande de faire l'inclinaison ou là l'inclination, il est interdit à dire j'abandonne le sport, et je vais chercher un autre sport, parce que toi Omar, tu n'as pas dit c'est quoi ce sport. Je ne peux pas te répondre. Quand une personne pose une question, quand une personne pose une question et que elle se sent un peu embarrassée, si les gens savent que c'est elle, alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut dire une personne a dit. Et cette personne, c'est qui? C'est elle-même. En parlant d'elle-même, elle dit une personne a dit. Et voilà ce qui s'est passé. Ou là, une personne demande, est-ce que cette chose est possible? Comme ça, elle n'a pas menti. Car c'est vrai, cette personne, c'est moi. Ou alors la donner en PV. Ou là, comme ça, et sur la fenêtre, directement, il dit une personne a dit. Pourquoi? Pour ne pas en PV, je dois la redonner ici, etc. Quel est le délit qu'on peut dire une personne a dit? La personne qui a tué 100 personnes, comme ça c'est dans le Bukhari Muslim, quand elle est allée voir le prêtre, le rahib, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, une personne a tué 99 personnes. A-t-elle la Tauba? Il a dit non. Il l'a tué. Ensuite, il a tué 100. Il est allé voir une autre personne, un alim, il lui a dit, une personne a tué 100. Est-ce qu'elle a Tauba? Il lui a dit oui. Le hadith il est dans le Bukhari. Taïb, les arts martiaux chinois, etc. Omar, les arts martiaux ont été créés par les bouddhistes. Ça ne me fait pas mal. Ça ne me fait pas mal que ce sport vient des bouddhistes ou des chinois, je ne sais pas d'où. L'essentiel, c'est de ne pas faire de gestes qui sont interdits, comme l'inclination dont je viens de parler, ou alors faire avoir yani des mu'taqad, avoir une fausse aqida, dire que par exemple ça a rapport avec leur dieu, etc. Leur dieu, leur bouddha, etc. C'est lui qui a donné yani ce qu'il faut faire, donc moi je dois lui obéir, etc. Tout ça tu dois l'oublier, tu fais le sport seulement pour savoir comment combattre, comment frapper et comment se protéger, etc. Et ne pas faire des choses qui sont à l'encontre de la charia, c'est tout. Naam. Tayyib, où est le prochain, inshallah? Non, il n'y a pas de tashabbuh. Il n'y a pas le tashabbuh si on fait seulement le sport avec l'idée du sport. Maintenant, je ne connais pas bien ce sport. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur qu'on doit faire qui ressemble à l'adoration? Toutes ces choses sont interdites. Si on fait des choses qui ressemblent à l'adoration, c'est interdite. Mais si c'est seulement je le fais à cause du sport, et il n'y a rien qui ressemble à l'adoration, ce n'est pas interdit, inshallah ta'ala. Taïb, le prochain, inshallah ta'ala, fadlal. Oum Abdallah, c'est à toi, inshallah. Assalamu alaikum. La question, je la lis pas car c'est pas en rapport avec le sujet. Barakallahu fikoum. Prochain, inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais dit que on devait poser les questions sur la aqida, c'est tout. Et que demain, inshallah ta'ala, et après demain, on va faire sur les questions-réponses libres. Mais puisque la sœur a déjà posé la question, normalement, elle la pose même pas et elle descend sa main. Mais puisqu'elle l'a déjà posée, je vais pas la laisser comme ça, je vais lui répondre. Surtout que elle a parlé des gens qui n'ont pas la bonne aqida. Donc c'est un peu avec la aqida. Donc je dis que, avant cela, on me demande de dire aux frères qui parlaient de karaté, etc., les arts martiaux, que est-ce qu'il y a à l'intérieur ce qu'on appelle ishwan hadi, yani si on fait la concentration, et pendant la concentration on commence, on nous dit, faut penser au Bouddha, etc. Tout ça, bien sûr, c'est haram. Tout ça, c'est haram. Tayyib. Je vous avais dit que la règle, c'est que quand on assiste chez quelqu'un qui est mubtadi'a, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? On va faire tromper les autres. Les autres vont dire pourquoi X sait que celui-là c'est un tabliré et il assiste chez lui. Donc on peut assister chez un tabliré comme ça. Naam. Et deuxième faute, on va faire croire à cette personne, ici le tabliré, on va lui faire croire qu'il est dans le juste. La preuve, hein, les salafis sont allés assister chez lui. Naam. Mais s'il n'y a pas une autre personne qui donne, il n'y a que cette personne, et que celui qui va chez lui, c'est une personne qui maîtrise bien la aqida par exemple, et qui est sûr que le tabliré ne peut pas l'induire en erreur. Dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, avec ces deux conditions, sont permis. Première condition, il n'y a que lui. Si j'apprends pas chez lui, j'ai pas où apprendre. Deuxièmement, j'ai assez de ilm et assez d'armes pour le combattre si jamais il va donner des choubouhettes. Wallahu ta'ala a'lam. Tafaddal hayyakallah, le suivant, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaykum. Qu'Allah vous augmente en guidance. On doit parler avec douceur comme Moussa et Haroun avec Pharaon. Est-ce une faute de se mettre en colère sur un enfant pour lui faire dawa ou sur une femme ou un mari qui fait des péchés répétés car il n'écoute pas, sans trop exagérer? Que conseillez-vous sinon pour l'enfant? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, qui nous a montré qu'il fallait faire quoi? Faire la da'wa avec douceur, avec gentillesse. Lui-même sallallahu alayhi wa sallam, des fois il s'énervait. Et quand il est rentré dans la maison, il a trouvé que Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, avait mis un drap, je ne sais pas si on dit un drap, la porte, quand on ouvre, autrefois il n'y avait pas les portes, on mettait quelque chose comme ça, moi je l'appelle un drap. Avec des images. Il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. Elle a dit, ya Rasoul, un rideau. Il est rentré, il l'a directement déchiré. Elle a dit, ya Rasoulallah, et toubilallah, ya Rasoulallah, je fais la touba. Naam, vous voyez, il est rentré directement, il a déchiré. Donc, on fait la da'wa avec sagesse, soeur, avec les gens qu'on ne connaît pas. Les gens qu'on veut attirer vers soi. Jamais tu ne réussis dans la da'wa si tu es dur. Naam. Mais, excepté quand tu es par exemple avec tes enfants, tu veux leur montrer, ils ne veulent pas. De temps en temps, on leur donne une petite tannée. Pourquoi? Pour qu'ils fassent la prière à l'heure. L'homme avec sa femme, celui-là, il ne fait pas la prière à l'heure, etc. Elle est un peu des fois violente avec lui. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, « وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » Lorsqu'il lui a dit, si tu avais un cœur dur et tu étais dur, il se serait enfui de toi. Il lui a dit aussi, waghlad alayhim, jahid al-kuffar wal-munafiqin, waghlad alayhim, fais le jihad aux kuffar et aux hypocrites et sois dur avec eux. Sois dur, waghlad alayhim. L'islam, c'est quoi? C'est avoir assez de science pour savoir quand est-ce que j'emploie la douceur et quand est-ce que j'emploie la force. Si j'emploie la douceur, où il faut employer la force, je me suis trompé. Et si j'emploie la force, je me suis trompé. Et comment savoir? Il faut avoir assez de ilm et assez de sagesse pour savoir et dire ici, je dois employer cette chose, ici je dois employer l'autre chose. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa. Est-ce qu'il employait seulement l'épée? Est-ce qu'il prenait l'épée? Il faisait seulement le djihad? Il a passé sa vie à faire le djihad? C'est comme ça qu'il faisait, c'est tout. Ne faisait-il pas la da'wa aussi en épanchant les cœurs des kuffars? Hein? Ne donnait-il pas aux kuffars des centaines et des centaines de chameaux pour les attirer? Le verset innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha, le verset qui parle de la zakat, n'a-t-il pas cité entre les 8 personnes à laquelle on doit donner la zakat? N'a-t-il pas cité wal mu'allafati qulubuhum? Mu'allafati qulubuhum, c'est qui? C'est le kafir. Tu lui donnes de la zakat pourquoi tu lui donnes la zakat? Tu aimes le kafir? Si tu aimes le kafir, tu as fait un grand péché. Tu as aimé un kafir. Si tu vas l'aimer, tu vas aimer son din. Non. Pourquoi il est interdit, par exemple, de rester en Europe? Pourquoi on doit faire la hijra? Tu es avec un kafir, tu vas apprendre sa langue, ensuite tu vas t'habiller comme lui, ensuite tu vas aimer ta religion, sa religion, ensuite tu vas devenir chrétien ou là, comme le kafir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, Allah Ta'ala a dit dans le Coran qu'il était permis au kafir de lui donner de la zakat, entre parenthèses, zakat de l'argent, pas zakat al-fitr. Zakat al-fitr ne se donne qu'à un croyant. Mais l'autre zakat, tu peux la donner à un kafir, c'est pas parce que tu l'aimes. Non, abadan, j'aime pas le kafir, c'est un kafir, j'aime pas le kofr. Mais pour essayer de l'attirer vers l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une fois à une seule personne un kafir. Il lui a donné 300 chameaux. 300, pas un chameau. 300 pourquoi? Pour l'attirer vers l'islam. Et bien sûr, il est rentré en islam, c'est sûr. Naam. Donc, des fois, c'est l'épée. Quand c'est le moment de l'épée? Quand c'est pas le moment de l'épée? Il y a des moments où on doit donner de l'argent pour attirer les gens. Naam, c'est pas seulement avec l'épée. طيب donc inchallah ta'ala j'espère avoir répondu à la question. تفضل ان شاء الله تعالى الدعوه السلفيه حياك الله فيك بارك الله. Naam, avec des enfants c'est pas interdit comme a fait le prophète alayhi salam avec Aïcha. Salam alaykoum cheikh. Les gens de science ont dit que le fait de dire entre guillemets ma prononciation du Coran est créé, ainsi que entre guillemets ma prononciation du Coran est incréée. Ces deux paroles ne sont pas correctes. Pouvez-vous nous expliquer cela? Barakallahu fik. Fika barakallahu azza wa jal. Très prochainement, je crois dans le deuxième ou troisième dars qui va venir, c'est seulement sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura des choses que, yani, quiconque les apprendra, alors comprendra beaucoup de choses et ça lui facilitera, yani, de comprendre l'islam et de s'éloigner des bid'as dans la aqida et de, yani, d'aimer encore Allah subhanahu wa ta'ala plus, car plus on comprend son din, plus on l'aime. C'est pour ça qu'il a dit talabul ilmi farida ala kulli muslim. C'est pour ça qu'il a dit iqra, le premier verset il a dit iqra, yani lis, naam. Et donc je disais naam, ces deux paroles, les deux ne sont pas permises. Il n'est pas permis en islam de dire kalam Allah makhluq, ni de dire lafzi bil Quran makhluq. Celui qui dit kalam Allah makhluq, il est kafir. S'il dit lafzi bil Quran makhluq, il est mubtadi'. Mubtadi', pourquoi? Parce que Ahl Sunnah n'ont pas dit cette phrase. Mais si tu dis kalam Allah ta'ala, la parole de Dieu a été créée, ah là, on est kafir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est un attribut de l'acte ou bien de l'essence? C'est un attribut de l'essence. Donc, si une chose d'Allah Ta'ala a été créée, donc Allah Ta'ala a été créée, c'est comme si on va dire sa main, la main d'Allah a été créée. Mais on dit, le pied d'Allah a été créé, les yeux d'Allah ont été créés. Alors on va dire aussi sa parole a été créée. C'est quoi? C'est du kofr. Naam, c'est du kofr. Quand je dis celui qui dit ça est kafir, bien sûr, s'il remplit les conditions, il n'a pas d'excuse. Vous connaissez, Al-Sunnah al-Jama'a ne dit jamais de quelqu'un qu'il est kafir sans d'abord voir s'il a rempli les conditions. Naam, est-ce qu'il a rempli les conditions et est-ce qu'il n'a pas d'excuse? Comment ça? Je donne un exemple. Tayyib, je prends le Coran et je le jette. Je prends le Coran et je le jette. Je suis kafir ou pas? Naam, je suis kafir ou pas? Normalement, pour quelqu'un qui n'a pas de science, il va dire il est kafir. Naam, pourquoi il est kafir? Et comment il a jeté le Coran? Tu jettes le Coran toi? Tu n'es pas kafir. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, alors, s'il est kafir, alors Moussa alayhi salam est kafir. Il a jeté la Torah. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la Torah. Et la Torah, c'est quoi? Le Torah ou la Torah? En arabe, Torah, c'est quoi? C'est un livre descendu d'Allah. Sur Moussa, Torah, sur Muhammad alayhi salam, le Coran, sur Ibrahim, Souhuf Ibrahim, sur Isa, l'Injil. Alors, pourquoi il n'est pas kafir? Il y a une différence entre la parole d'Allah qui est dans la Torah et la parole d'Allah qui est dans le Coran. Et si quelqu'un dit Moussa est kafir, c'est très grave. Pourquoi il n'est pas kafir? Il n'est pas kafir parce que quand il a jeté la Torah, il était dans un état sous l'emprise de la colère. Et quand la colère prend une personne au point où il ne sait plus ce qu'il fait, il lui est pardonné tout ce qu'il fait. Au point où s'il divorce sa femme, ce n'est pas accepté. Au point où s'il vend une chose, la vente est annulée. Subhanallah. Regardez Allah Ta'ala qui a créé la personne et qui sait que des fois elle sort ses états. Des fois elle sort ses états. Des fois quelqu'un qui est très énervé, il ne sait pas ce qu'il dit. Naam. Des fois, il ne sait plus ce qu'il dit. Naam. Des fois, on ne sait plus ce qu'il dit ou bien on ne sait plus ce qu'on fait. Naam. Ici, Moussa alayhi salam a jeté la Torah. Allah Ta'ala a dit فَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَةِ يَهُودًا وَرَحْمًا. Allah Ta'ala a dit et quand la colère s'est tue de Moussa, alors il a pris la Torah. Et je vous ai dit, remarquez qu'Allah Ta'ala a dit la colère s'est tue. Subhanallah al-Azim. Normalement en arabe on dit sakana, sakana. La colère a diminué. Normalement, une seconde, on dit la colère a diminué. Mais Allah Ta'ala a dit la colère s'est tue. Je vais l'écrire, hein? S'est tue. La colère s'est tue. Du verbe taire. Pourquoi Allah Ta'ala a employé le mot taire en parlant de la colère? La colère se tait? Naam. Allah Ta'ala veut te dire que la colère parle et se tait. Quand la colère, tu es sous son emprise, c'est elle qui parle. Tu dis n'importe quoi, c'est elle qui a parlé, c'est pas toi. Combien de gens ont divorcé sous la colère qu'ils ne voulaient pas divorcer? Combien de gens ont insulté, ils ne voulaient pas insulter? Ça, c'est des mots qui sortent sans que tu le veuilles. Et le contraire de la colère, c'est quoi? Le contraire de la colère, c'est quand on est joyeux à un point où on ne sait plus ce qu'on fait. Naam, vous allez me dire, on peut être joyeux à un point où on ne sait plus ce qu'on fait. Naam, je peux être joyeux au point où je ne sais plus ce que je fais. L'euphorie. Naam, je donne un exemple. Celui qui a perdu son chameau, naam, dans le Sahara, dans le désert, et il y avait sur son chameau à manger, à boire. Il l'a perdu, il est presque mort de tristesse. Il a dit, je reviens dans l'arbre là-bas et je me couche jusqu'à ce que je meure. Quand il s'est endormi, le chameau est revenu et sans le vouloir, s'est accroché sur l'arbre. Yani, avec la chaîne ou comment ça s'appelle, qui se trouve dans sa bouche, s'est accroché à l'arbre. L'autre s'est réveillé. Il s'est réveillé, il a trouvé le chameau devant lui, plein de quoi? Plein de manger et de boire. Il était plein de manger. Subhanallah al-Azim. Tellement il était content, qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu remercier Allah Ta'ala. Et le hadith, il est dans le Bukhari Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a levé les mains. Il a dit, Allahumma, anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma, anta, toi, tu es mon serviteur et moi je suis ton Seigneur. Il voulait dire, toi tu es mon Seigneur et moi je suis ton serviteur. Mais il a dit le contraire. Pourquoi? L'euphorie. Tellement il a quoi? Tellement il était content. C'est pour ça que un juge, il lui est interdit d'être ou de juger les gens quand il est très en colère ou là quand il est dans l'euphorie. Quand il est très en colère, qu'est-ce qu'il va faire? Quiconque va rentrer chez lui pour une petite chose, il a volé un bonbon, il lui dit coupez-lui la main, 20 ans de prison. Il a volé une sucette, 25 ans de prison. Très énervé, il a eu des problèmes avec sa femme. Il a divorcé, il est venu, khlas, il ne voit plus devant lui, il ne voit plus, il voit tout noir. Naam. Et le contraire, quand l'autre il a l'euphorie, qu'est-ce qui va se passer? Tellement il est content que, on lui dit, celui-là, il a volé 1 million d'euros. 1 million d'euros! Ah, Inch'Allah, il va faire la touba et khlas. Hey, alors, hein, ne refais plus ça, hein, ne refais plus, hein, je te libère, mais ne refais plus. Et il le laisse. Naam. Pourquoi? Il est tellement content que on voudrait, yani, on est comme ça. Vous n'avez pas remarqué quand on est beaucoup content que, yani, on devient, yani, on permet tout, subhanallah al-Azim. Naam. On devient très gentil. Et l'homme qui va sortir le dernier de l'enfer, c'est qui? C'est celui qui va faire le plus grand nombre de péchés. Vous savez, tous les musulmans, bi'idhna azzawajal, tous les croyants sortiront de l'enfer. Le kafir ne sort jamais. Mais tous les croyants qui ont fait les grands péchés du monde, sauf le shirk, sortiront bi'idhna azzawajal un jour ou l'autre de l'enfer. le dernier qui va sortir. Donc c'est le dernier, c'est celui qui a fait le plus nombre de péchés. Chaque jour, il y a des gens qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Maintenant, il reste une seule personne à Jahannam. Cette personne, quand elle est sortie, Allah Ta'ala va lui dire, rentre au paradis. Après un long hadith, je vous donne la fin. Il va aller au paradis. Parce qu'auparavant, il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de l'approcher du paradis. Ensuite, Allah l'approche. Il va lui dire, approchez-moi de la porte. Allah l'approche. Il va lui dire, rentrez-moi au paradis. Al-Mu'im. Quand Allah Ta'ala va lui dire, rentre au paradis, il va arriver au paradis. Juste, il arrive à la porte. Il va trouver que c'est complet. C'est complet. Il n'y a pas de place où rentrer. Il revient vers Allah Ta'ala. Il lui dit, Ya Allah, c'est complet. Le hadith est dans le Bukhari. Il lui dit, Allah, c'est complet. Allah Ta'ala lui dit, je t'ai dit, va au paradis. Il va. Une deuxième fois, il arrive. Il trouve, c'est complet. Il dit, Allah, c'est complet. Une troisième fois, il lui dit, va au paradis. Il va la troisième fois. Il regarde, c'est complet. Cette fois, il s'énerve. Qu'est-ce qu'il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Il va dire, atastahzi bi? Oh Allah Ta'ala, tu te moques de moi? Regardez. Dire une chose pareille, ce n'est pas du coffre. Tu dis Allah, tu te moques de moi. Toi, tu dis Allah, tu te moques de moi. Subhanallah l'alim. Mais Allah Ta'ala, qu'a-t-il fait? Il a ri. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala sait que cette personne a dit ça sous l'emprise de la colère. Une très grande colère. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Non. Et Allah Ta'ala, la quatrième fois, il lui dit, va au paradis. Il va rentrer. Il va le trouver, bien sûr, pas complet. Mais Allah Ta'ala voulait juste, yani, le divertir un peu. Non, le divertir un peu. C'est pour ça que Allah Ta'ala rit. Et le prophète Ali Sassam, quand il raconte ce hadith, il rit. Il rit. Et il dit, vous ne me dites pas pourquoi je ris. On lui dit pourquoi. Et il raconte l'histoire. Ça me rappelle certains gens qui, il te dit par exemple, tu lui dis pourquoi tu ne fais pas cette chose, pourquoi tu ne te voiles pas, pourquoi ceci. Tu lui dis, c'est pas la peine. Déjà, le paradis est complet. Le paradis est complet. Ce sont des choses graves quand on dit une chose pareille. Ça s'appelle istihza. Istihza. Le paradis est complet. Yani, tu te moques de l'islam ou là, c'est quoi le paradis est complet? Bon, il y a des phrases qu'il faut éviter de dire, même en plaisantant. On ne plaisante pas dans le din. Naam, on plaisante quand on parle de la politique et on parle de la démocratie. Mais quand on parle d'Allah Ta'ala et de son islam, on ne plaisante pas. Naam, on ne plaisante pas dans ces choses. Tayyib, tout ça, je ne sais pas où j'étais auparavant et pourquoi j'ai dit tout cela. Mais le mohim, je donne inshallah ta'ala le khait, je donne inshallah ta'ala le micro au prochain. Tafadhal. Amen, inshallah. Khair inshallah, ahlul hadith. Assalamu alaikum, shaykh. Un frère demande, Allah dit dans son livre, il s'est établi sur le trône, mais avant que le trône existe, où était Allah et que signifie le mot kitab dans le Coran? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Thumma istawa 'ala al-'arsh, صح? Mais avant que le trône existe, où était Allah? Je commence par ouvrir une parenthèse pour dire que méfiez-vous de certaines traductions où il est dit que, en parlant du trône, lorsqu'ils traduisent, ils disent le coursi. En parlant du trône, ils disent le coursi. Ou bien en arrivant au coursi, naam, wasi'a kursiyuhu, ils disent son trône. Et le trône, c'est une chose. Le coursi, c'en est une autre. Le trône, c'est étymologiquement, le mot trône, c'est en arabe sarir. Sarir. Naam. C'est le roi et les gouverneurs, la chose sur laquelle ils s'assoient lorsqu'ils reçoivent les gens et les ministres et les autres rois, etc. Ils s'assoient sur un grand fauteuil. C'est d'après, chaque roi a son propre fauteuil à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a son trône. Naam. Quant au coursi, le coursi, c'est le repose-pied. Comme a dit Abdullah, comme a dit Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, dans le hadith sahih. Donc il y a une différence entre le coursi et le trône. Et le hadith, il est très clair quand il a comparé entre le trône et le coursi. Tayyib, maintenant il a dit, où était Allah subhanahu wa ta'ala? Où était Allah? Le hadith est dans le Bukhari. Allah était et rien n'était avec lui. Allah était et rien n'était avec lui. Car si une chose était avec lui, ça veut dire que ce n'est pas le premier. Alors que c'est l'un des noms d'Allah Ta'ala, l'awwal ou l'akhir. Allah Ta'ala, c'est le premier, c'est le dernier. Ça, si tu dis qu'il y avait quelque chose avec lui en même temps, ou bien avant lui, c'est grave, très grave. Ça veut dire que ce n'est pas le premier. Allah Ta'ala était, il n'y avait rien avec lui. Ensuite, il a commencé à créer. Les ulama se sont divergés. Est-ce que la première chose qui a été créée, c'est le trône, ou bien c'est le qalam, ou bien c'est la plume, d'après les dalils que chacun a avec lui. Naam, beaucoup disent le qalam, beaucoup disent le trône, et certains, comme Ibn Taymiyyah, a joué entre les deux, a dit, dans les choses de l'au-delà, la première chose, c'est le trône. Et dans les choses de ce bas monde, c'est le qalam, c'est la plume. Cheikh Al-Albani Rahmo voit que c'est l'arche. Maintenant, que signifie le mot kitab? Pardon, l'Albani voit c'est le qalam. Le kitab, c'est le kitab. Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Le livre, c'est le kitab. Tu peux me donner un verset? Un verset, peux-tu me donner un verset où tu as eu des difficultés? Non, si tu as un verset, donne-le-moi. Livre descendu du ciel? J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Ah, j'ai oublié une chose avant que j'oublie là, avant que j'oublie. Abou Marwan, est-ce qu'il est là, Abou Marwan? Ah, il m'a dit une chose importante tout à l'heure, j'ai oublié de lui dire. Abou Marwan est là. On ne sait jamais, je ferme le salon là et je n'ai pas le temps de le passer. Abou Marwan, je voudrais vous dire, vous qui m'entendez, que Abou Marwan, des fois vous le voyez dans les salles de takfir, non, ce n'est pas un takfiré. Quand je vous ai dit, moi, il ne faut pas rentrer dans les salles de takfir, et si jamais quelqu'un de vous rentre et le voit, ce n'est pas parce qu'il est deux, mais c'est juste pour, yani, il a, Inch'Allah Ta'ala, assez disons, de science pour rendre et réfuter leur choubouhat. Naam. C'est pour ça que je vous ai dit, vous qui n'êtes pas vaccinés, vous n'avez pas le droit de rentrer parce que vous risquez de prendre le virus et vous ne connaissez pas quelle est la réponse qu'on devait donner. Naam. Vous ne connaissez que les adillah, les dalils qu'ils vous donnent vous. Vous ne connaissez pas les dalils qui doivent rendre et réfuter leurs dalils. C'est pour ça que je vous demande de ne pas y rentrer. Mais quelqu'un qui a du ilm, comme par exemple Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il faisait la polémique avec les gens. Pourquoi? Parce qu'il est sûr qu'il est plus fort qu'eux. Il a des dalils et ils disent un mot, il dit 10. Ils vont se baser sur un verset, lui il se base sur 15 versets. Tellement il était, mashallah, au point où il disait, vous savez ce que disait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Il a dit, même in sahib bid'a, illa wa ana a'lamu bi bid'atihi min imamih. Il a dit, il n'y a pas une personne qui fait la bid'a, l'innovation, sans que je sois, sans que j'aie plus de science dans sa bid'a que son professeur à lui. C'est-à-dire que, Allah l'adim, si par exemple tu as la bid'a, par exemple des khawarij, tu es un khariji par exemple, Ibn Taymiyyah connaissait mieux que toi c'est quoi le khariji, d'où c'est venu, leur base, leur règlement, leur ceci, leur cela, le soufisme. Il n'y a pas une bid'a, djahmisme, il n'y a pas une bid'a que Cheikh l'Islam ne connaissait pas d'où est venue cette bid'a et quels sont leurs délits et leurs choubouhettes et comment on l'a réfuté. Et si quelqu'un, je vous dis une chose, si quelqu'un veut réfuter les preuves de quelqu'un ou d'une chose, il faudrait qu'il soit bien balèze, balèze dans cette chose. Sinon, il ne peut pas, il se tait. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et ainsi, il a dit, nous fassil, yani, on te montre bien l'ayat, les signes et les versets, il a dit, pour que tu sois, pour que le chemin des criminels soit clair. Non, tu peux pas parler avec un criminel si tu ne sais pas comment, sur quoi il se base, quels sont ses dalils et pourquoi dit-il cette chose. Est-ce que moi, je peux faire par exemple une polémique avec un communiste, quelqu'un qui toute sa vie a lu tous les livres de Karl Marx et de Wesmohadet à Cuba, Fidel Castro et de Poutine, les Russes. Il connaît bien le communisme et maintenant je vais faire la polémique avec lui. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne connais rien du communisme. Qu'est-ce qu'il faut? Apportez-moi tous les livres des communistes. et je vais les lire sur quoi ils se sont basés, et après je vais leur montrer, je vais faire la polémique avec eux. Vous connaissez Ahmed Didat, Allah yarhamou. Vous connaissez, vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec les chrétiens? Alaykoum salam, salam alaykoum wa rahmatullah. Désolé pour la déconnexion, j'étais où? Est-ce que vous m'avez entendu pas terminer? Hein? Est-ce que j'ai terminé? Vous m'avez entendu parler de Ahmed Didat? Hein? Non. Je disais qu'Ahmed Didat, rahimahullah, a, yani, entre parenthèses, sans parler son minhaj, hein? Je ne suis pas en train de parler son minhaj. Je suis en train de parler seulement de qu'est-ce qu'il a fait avec les chrétiens, tellement il a lu leur livre que, subhanallah, quand il parlait, il ne pouvait pas parler avec lui. Non. C'est comme ça, toute personne qui veut réfuter une chose, il faudrait qu'elle la connaisse par cœur. C'est Ibn Taymiyyah rahimahullah faqa aqranahu bihada. C'est comme ça que Ibn Taymiyyah a dépassé tous ceux qui ont vécu avec lui, parce qu'il lisait beaucoup, et tout ce que les innovateurs ont dit ou écrit, il l'a lu pour savoir d'où est venue leur faute, C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et je reviens pour terminer avec ça, Akhouna Abou Marwan, quand il rentre, il a dit que c'est juste pour réfuter leur dalil. Car quand quelqu'un rentre dans des salles pareilles, il n'entend que d'un seul côté. Il n'entend pas les autres dalils qui réfutent ce qu'ils ont dit. Mais il entend d'un seul côté, il se remplit le cœur, il a le virus dans la tête. Là, il dit, Alhamdoulilah, ils n'ont parlé qu'avec le Coran et la Sunna. Je suis rentré dans leur salle, ils ne parlent que Coran et Sunna. Naam. Donc, Alhamdoulilah, ils sont dans le vrai. Et ils ne savent pas que s'il y avait un autre, s'ils avaient dit une chose, ils leur auraient répondu par autre chose. Naam. C'est pour ça que j'ai dit que quiconque est nouveau, au lieu d'aller rentrer dans ces salles, qu'il apprenne son dîn, car demain, inshallah ta'ala, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et il va lui être demandé, naam, est-ce que tu as demandé la science ou l'as-tu passé ton temps dans les salons, naam, à plaisanter, à rire et à, yani, passer le temps dans le vide, passer le temps dans des choses qui, yani, ne te ramènent ni bonheur dans cette dunya ni dans l'au-delà, mais qui risque de te jeter dans Jahannam ou l'ayadu billah. Tfadl, le prochain inshallah ta'ala. C'est quoi la fin de la question? C'est quoi la fin? Je ne l'ai pas là, cette question. C'est quoi la fin de la question? Peux-tu me la reposer? Tfadl, je te donne le micro pour ne pas perdre de temps. Afwan, salam alaykoum. Muslim, il y a un décalage entre toi et moi, ma'alish, il y a un décalage. Quand Allah Ta'ala dit qu'il avait fait descendre le livre, etc., c'est par rapport à ce qui va se passer. Allah Ta'ala sait que les paroles qu'il fait descendre par l'intermédiaire de Jibril vont être écrites et seront dans un livre qui s'appellera le Coran. Naam. Donc c'est par rapport à ce qui va avoir lieu. C'est par rapport à ce qui va avoir lieu. Naam. Et c'est, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir. Naam. Oh, qu'il nous fasse mourir. Les gens vont dire c'est grave. Pourquoi il demande à Allah ta'ala qu'on meure? J'ai pas terminé la phrase. Qu'il nous fasse mourir avant que ne vienne le jour où les gens vont se lever le matin pour aller au travail. Il y a quelqu'un qui va ouvrir le livre, le Coran, pour essayer de lire quelque chose, il ne va trouver à l'intérieur aucun mot. Allahu Akbar. Naam. C'est l'un des signes que Allah subhanahu wa ta'ala fera prendre sa parole. Tu ouvres le livre, il est vide, seulement les pages. Tourne les pages, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé, c'est Allah ta'ala qui a fait monter sa parole vers lui. C'est pour ça qu'Ahl Sunnah ou Jama'ah disent Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Minhu, de Allah Ta'ala a commencé la parole et vers lui elle revient. C'est-à-dire vers la fin du monde quand Allah Ta'ala prendra son Coran. Car comme vous savez, la fin du monde n'aura lieu que sur les personnes les plus mauvaises, les plus ashrar. Comme on dit en arabe, on dit ashrar. Shar. Naam. Tous les croyants, Allah est un vent qui va rentrer sur leurs aisselles et ils vont mourir. Quiconque sera touché par ce vent, s'il est croyant, il mourra. Ne restera que qui? Que les kuffars. C'est sur eux que sera la fin du monde. Naam, c'est sur eux que sera la fin du monde. Atfadl ya muslim, atfadl. Salam alaykoum, cher. Hayakallah. Pouvez-vous nous éclairer sur le destin? Car cela est un peu confus pour moi. Par exemple, si tout est déjà écrit, pourquoi devons-nous faire des doigts dans l'espoir de changer certaines choses? Cela peut changer le qadar. Et si notre demeure finale est déjà écrite, pourquoi œuvrer pour le paradis? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه صوت. نعم، c'est une très belle question et très bonne. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith صحيح، il a dit إنما العلم بالتعلم. Il a dit la science vient par la quête et la demande. Ça c'est pour rendre à qui? Au soufi. Au soufi qui dit crains Allah et Allah t'enseignera. Crains Allah. Taqwa, c'est tout. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, et tu deviendras alim. On leur dit menteur, tu t'es trompé, toi. Ou bien on va dire ignorant pour ne pas blesser les gens. On va lui dire, tu es ignorant, mais viens, je vais t'apprendre quelque chose. Le prophète a dit, innama al-ilmu bit-ta'allum. L'ilm ne vient pas comme ça tout seul. Il faut apprendre. Naam. Et la meilleure des choses à apprendre, c'est quoi? C'est connaître Allah Ta'ala. Donc c'est apprendre quoi? C'est apprendre l'aqida. C'est apprendre l'aqida. Et cette question rentre dans l'aqida. Quand on a une bonne aqida, quand on a une bonne aqida, on n'a pas peur demain si on meurt. Si on s'est trompé un peu dans la salade, dans la zakat, on a bu de l'alcool, on a fait ceci, on a fait cela, tout cela, ce n'est pas grave comparé à celui qui a des problèmes d'aqida. Naam, cette aqida, naam, il y a un hadith sahih qui dit que Allah Ta'ala va te montrer plein de péchés. Ensuite, va les mettre dans la ce que tu dises, Khlas, je suis perdu. Des montagnes de péchés. Ensuite, Allah Ta'ala, il va te dire, tu as une hasana chez nous, on va te la donner. Tu vas dire dans ton cœur, qu'est-ce que je vais faire avec une hasana? Il y a des montagnes de péchés. Cette hasana, c'est quoi? C'est La ilaha illallah. Une petite carte, bitaqa. C'est écrit dessus, La ilaha illallah. Mais ce n'est pas La ilaha illallah du perroquet que j'ai dit la fois passée. La vraie la ilaha illallah, c'est quoi? C'est l'aqida. C'est connaître bien l'aqida. On revient à la question. Nam, toute chose a été écrite 50 000 ans avant que Allah Ta'ala ne crée l'univers. Imaginez, 50 000 ans avant qu'on soit créé, que Allah Ta'ala ait créé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit tout ce qui va se passer par détail. Naam, tout ce qui va se passer par détail. Allah Ta'ala l'a su et l'a écrit. Et s'il avait voulu, naam, il l'aurait pas écrit et il nous aurait pas fait descendre sur la terre. S'il avait voulu, dès qu'il nous crée, il nous dit, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, toi. Et comme ça. Mais Allah Ta'ala, qui est équitable et qui est juste, ne veut pas faire le mal. Naam, car il ne veut pas qu'on pense de lui le mal. Car s'il ne m'a pas fait descendre sur terre et que directement il m'a créé, il me dit, toi en enfer. Je lui dis, Allah, pourquoi moi en enfer? X, il est parti au paradis, pourquoi tu me mets en enfer? Il me dit, X, si je l'avais fait descendre sur la terre, il aurait vécu sur la terre, il ne serait pas sorti de la mosquée. Et toi, si je t'avais fait descendre, tu ne serais pas sorti du bar et du dancing. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, ya Allah, pardon, pardon ya Allah, mais je ne veux pas vous dire que ce n'est pas vrai, mais je me connais très bien. Moi aussi, je ne serais pas sorti de la mosquée. Et j'aurais donné tout mon argent, fi sabilillah, et j'aurais construit des mosquées avec mon argent. Ah, alors, Allah Ta'ala qui aime que personne ne puisse avoir une excuse sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait descendre pour que chacun travaille et fasse ses actions et elles sont écrites. Et Allah Ta'ala va te montrer, il va te dire, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, alors en enfer. Voilà ce que tu as fait, ce que tu as fait. Alors au paradis. Sinon, comme j'ai dit, on ne va pas être convaincu. Non, si nous n'avions pas fait descendre, beaucoup de gens ne seraient pas convaincus. Alors que Allah Ta'ala n'a pas besoin qu'il écrive ce qu'on fait. Il le sait d'avance tout ce qui va se passer. Je te donne un peu un exemple pour que tu comprennes. Tout ça, c'est une introduction, hein. Je te donne un exemple. Si tu as une vidéo, tu es assis à la maison, Nam, tu vois un match par exemple de football, par exemple, hein, si c'est permis de voir, tu vois, ensuite le match est terminé, tu l'as maintenant dans la vidéo, tu vas rappeler des amis, tu vas leur dire venez voir le match. Alors tu allumes la vidéo, ils sont en train de voir. Avant qu'une chose ne se passe, tu leur dis ici cette personne va tomber. Ensuite, tu dis ici l'arbitre va siffler. Ici, ils vont marquer un but. Ici, il va rater un pénalty. Maintenant, la pluie va commencer à tomber. Comment savais-tu cela, toi? Et tu te trompes pas. Tout ce que tu dis n'est jamais faux. Pourquoi? Subhanallah, tu as vu le film. Tu peux pas se tromper. Tu peux pas te tromper. C'est en différé maintenant. Il était en direct. Allah Ta'ala, regarde. Le ilm, la science d'Allah Ta'ala, ça se compare pas à ce que l'exemple que je viens de citer. Mais juste pour avoir une idée, Allah Ta'ala, avant de nous créer, il sait tout ce qu'on va faire. Naam, tout ce qu'on va faire. Mais, comme j'ai dit, il ne veut pas nous faire rendre radis parce que beaucoup de gens vont dire, Ya Allah, moi j'aurais préféré que je descende et que vraiment je fasse la faute. C'est pas comme ça que tu me dis, tu as fait la faute si je t'avais fait descendre. Fais-moi descendre et laisse-moi d'abord faire la faute. Al-Muhim. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans le Bukhari, ça va peut-être vous étonner. Il est sorti dans la mosquée avec deux livres dans sa main. Un livre dans la main droite, un livre dans la main gauche. Il a levé en haut le livre de la main droite. Il a levé sa main avec le livre. Il a dit, ce livre contient tous les noms des gens qui vont rentrer au paradis avec le nom de leur père, leur grand-père et comme ça. Ensuite, il a descendu. Il a pris l'autre livre. Ce livre contient tous les noms des gens qui vont aller en enfer avec leur père, leur grand-père. Subhanallah al-Azim. Ça veut dire quoi? Quiconque qui est dans le livre de l'enfer, il va aller en enfer. Quiconque qui est dans le livre du paradis, va aller au paradis. Mais voilà la question. Est-ce que toi tu sais que tu es dans le livre de l'enfer? Tu ne sais pas. Si tu savais, si ce jour-là tu étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu lui aurais dit Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, As'aluka billah al-ali al-azim, montre-moi dans quel livre je suis. Ensuite il a ouvert, il te dit tu es dans le livre de l'enfer. C'est trop tard pour toi. C'est trop tard. Pourquoi? Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, Tabbat yada Abi Lahab, wa tab. Ensuite, il a dit, Sais la naran dhata lahab. Abu Lahab, qui était vivant, il a dit, Abu Lahab va aller en enfer. Et Abu Lahab, il entendit les gens dire ce verset, dire de lui que, attention, il y a le Coran qui est descendu, il va dire, tu vas entrer en enfer. Dites-moi, est-ce que Abu Lahab a pu faire quelque chose? Puisqu'il disait que le Coran n'est pas vrai, il aurait pu faire une chose. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bon, le Coran a dit que je vais aller en enfer. Je vais vous prouver que le Coran est faux. Alors je vais rentrer en islam et commencer la prière. Comme ça, je vais aller au paradis et il y aura une contradiction dans le Coran. Mais il n'a pas pu. C'est trop tard. Non, il ne peut pas. Donc nous, on ne sait pas dans quel livre on est. Et Allah Ta'ala t'a demandé de faire les du'as, beaucoup de du'as, pour qu'il te fasse rentrer au paradis et pour qu'il te facilite le chemin qui mène au paradis. Donc toi, il faut que tu fasses ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dans quel livre tu étais. Si tu pouvais, hein, si tu as des connaissances et tu peux voir avec des jumelles spéciales, qu'est-ce que c'est écrit dans la table préservée? Est-ce que tu vas aller au paradis? Ou là en enfer, et tu vois que ton nom est au paradis, alors khlas, arrête les doigts. Mais personne ne sait. C'est pour ça que tout le monde doit faire des doigts jour et nuit et demander à Allah Ta'ala de te guider, guider sur guider, guider sur guider, jusqu'à ce que tu meurs. Car tu ne sais pas. Peut-être tu es dans le livre de l'enfer, peut-être tu es dans le livre de paradis. Mais moi, Allah Ta'ala m'a dit, si tu veux que tu sois au paradis demain, fais ce que je t'ai ordonné de faire, éloigne-toi des choses que je t'ai interdites et tu iras au paradis. Donc moi, j'applique seulement avec le souhait dans mon cœur et le grand espoir de le rencontrer ravi de moi. Ensuite, deuxièmement, peut-être que Allah Ta'ala a écrit que tu vas aller au paradis car tu as fait des doigts. Tu vois, pour celui qui dit, alors pourquoi je fais des doigts? Pourquoi tu fais des doigts? Peut-être que tu n'allais pas aller au paradis et que Allah a écrit, si tu fais tel doigt, tu vas aller au paradis. Donc toi, tu as fait le doigt et tu vas aller au paradis. C'est un sabab. C'est comme une personne qui dit, ya Allah, cette personne ne veut pas se marier. Tu te maries? On t'a trouvé une sœur. Non, je ne me marie pas. Mais, ya Allah, donnez-moi un enfant. Ya Allah, donnez-moi des jumeaux. Ya Allah, donnez-moi des jumelles. Ya Allah, donnez-moi des triplés, des quadruplés. Subhanallah al-Azim, mais va te marier. Non, ce n'est pas la peine de me marier. Ya Allah, donnez-moi des triplés. Taqillah subhanahu wa ta'ala, prends avec l'asbab. Allah ta'ala ne donne pas des triplés à quelqu'un qui ne s'est pas marié. Marie-toi et fais les doigts. La même chose ici. Fais les doigts et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te rentrer au paradis. Ce n'est pas yani, rester comme ça et dire je vais aller au paradis. Fais des doigts, fais la prière, fais les surrogatoires, éloigne-toi du haram, et Allah Ta'ala ne te laissera pas, et Inch'Allah Ta'ala, il te fera entrer au paradis. Et ce qui te raffermit encore plus, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y a une chose qui peut rendre le destin, c'est le doigt. Subhanallah. Une chose, s'il y a une chose qui peut rendre le destin, c'est le doigt. Des fois, Allah Ta'ala a écrit que il y a un accident qui va t'arriver. Subhanallah l'adhim. Telle personne, à 10h du matin, tel jour, telle année, telle minute, va faire un accident d'auto. C'est écrit. Et Allah Ta'ala a su que tu allais faire une dua un jour. Alors, à cause de cette dua, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la dua après l'accident. Il a d'abord écrit l'accident, ensuite la dua. Donc l'accident a été annulé. Tu ne vas pas avoir d'accident. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le destin descend. Des fois il est en train de descendre. Par exemple, que tu vas faire un accident, ça descend d'en haut. Elle descend. Ensuite, il y a ton doua qui monte. Tu viens de dire, ya Allah, akfini kulla shar. Ya Allah, ahfazni min kulli fitna. Ya Allah, ahfazni min kada. A'udhu bi kalimatillahit tamma. Et comme ça, tu as fait des doigts, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, ton doigt commence à monter. Ta doigt que tu viens de faire commence à monter vers le ciel comme une fusée. Et le destin est en train de descendre. Comme ça a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ils vont se rencontrer au milieu du chemin. La fusée qui monte de ton doigt et la fusée qui voulait descendre du destin. Ils vont se rencontrer, il a dit, ils vont se bagarrer. Rester comme ça en train de se bagarrer jusqu'à la fin du monde. Et puisqu'ils sont en train de se bagarrer jusqu'à la fin du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta doua a empêché le destin de descendre. Regardez la doua. C'est pas quelque chose de. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Mukhul ibada. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Je voulais dire que Mukhul ibada. C'est un hadith très connu mais faible qui dit du'a, c'est la cervelle ou le cerveau de la ibada. C'est pas vrai, c'est un hadith faible. Mais il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, du'a huwa al-ibada. La du'a, c'est ça l'adoration. Naam. Plus tu ne fais pas de du'a, plus tu ne fais pas d'adoration. Et dans un hadith sahih, Allah Ta'ala se met en colère contre la personne qui ne lui fait pas des du'a. Toute personne qui ne fait pas des doigts à Allah Ta'ala, Allah Ta'ala est en colère contre elle. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Je ne veux pas faire de doigts à Allah Ta'ala, ça veut dire que je me suffis à moi-même. Naam, j'ai pas besoin de l'aide d'Allah. Naam, je suis assez riche, assez fort, assez beau, j'ai des connaissances, je n'ai pas besoin de faire des doigts à moi. Je me suffis. Tu l'as pas dit avec ta langue, tu l'as dit avec ton cœur et ton comportement. Non, c'est très grave. Mais plus tu as de la foi, plus tu voudrais faire des doigts à chaque instant, avant de sortir de la maison, quand tu montes dans la voiture, quand tu descends, quand tu rencontres un ennemi, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, subhanallah, quand tu t'habilles, quand tu te déshabilles, dans les toilettes, en sortant, en rentrant à la mosquée, en mangeant, en terminant, en s'approchant de sa femme, en allant se laver, tu n'arrêtes pas de doigts. Pourquoi? C'est ta foi qui a fait une grande relation, qui a tissé une relation très forte entre toi et Allah Ta'ala. Et plus ta foi est faible, plus tu oublies Allah. Et en oubliant Allah, tu oublies les doigts. Classe, Allah Ta'ala, tout juste, si tu te rappelles de lui quand tu fais la salat. Mais le jour, toute la journée, tu es loin, loin, loin, tu l'as oublié, tu es perdu. Mais quelqu'un qui fait des doigts, c'est la preuve que son cœur bat, il bat pour Allah. Et sa langue est là. Non, mais ça s'arrête pas. Bismillah, alhamdoulillah, Allahu Akbar, bismillah. Non, partout. Au travail, dans le bus, la femme dans la cuisine, en train d'éplucher les pommes de terre, et subhanallah, alhamdoulillah, subhanallah, j'arrête pas. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous aïnana. Inch'Allah ta'ala, prochain personne. Non. Donc, je vous disais, pardon, juste pour terminer, je me rappelle maintenant une chose. Je vous disais, Allah ta'ala, plus tu lui demandes des choses, plus il est ravi de toi. Et la personne, l'être humain, plus tu lui demandes des choses, plus il te déteste et il commence à en avoir marre de toi. Regardez la différence entre Allah Ta'ala, le créateur et les créatures. Le créateur, plus tu lui demandes, plus il t'aime, il est ravi de toi. Il dit, regardez, il a reconnu sa pauvreté et il est venu là se prosterner et me demander que je l'aide. Naam, regardez. Et l'autre, il ne veut pas me demander. Il s'est suffi à lui-même. On va voir sa fin, comment elle va être. Et plus tu vas chez des gens, tu leur dis, aidez-moi, donnez-moi, plus tu perds de ta valeur. Tu perds de ta valeur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les 70 000 qui vont rentrer au paradis directement sans jugement, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya. Il a dit ça, vous savez. Pourquoi? Car quand tu demandes une ruqya, tu t'es affaibli. Et tu as dit, premièrement, tu t'es un peu éloigné d'Allah, tu es allé vers les gens. Et deuxièmement, tu t'es fait humilier en demandant aux gens, faites-moi la ruqya, s'il vous plaît. Bien sûr, la ruqya, on peut la faire quand on est dans le besoin. Mais il y a des gens qui la font, ils n'ont rien. Juste un petit mal à l'oreille, ruqya. Mal de dents, ruqya. J'ai deux cheveux qui sont tombés, ruqya. Naam. J'ai un peu mal à la cheville, je vais faire une ruqya. Subhanallah, c'est quoi cette exagération? Et d'autres disent non, il n'y a pas la ruqya. Pas du tout, ça n'existe pas la ruqya. Donc les gens sont toujours entre quoi? Entre, subhanallah, des exagérateurs d'un côté ou de l'autre. Et Ahl Sunna, toujours au milieu. Ahl Sunna, toujours au milieu. Ibn Taymiyyah a dit, quand tu demandes à quelqu'un un verre d'eau, c'est quoi un verre d'eau? C'est rien. L'eau, ça se vend pas. S'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Il va te remplir de l'eau, il va te donner. Il a dit, tu perds de l'importance devant cette personne d'après le verre d'eau qu'il t'a donné. Subhanallah. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous pouvez ne rien demander aux gens, ne leur demandez rien. Et quand il a fait la bay'a avec les sahaba, ils ont fait la bay'a, ils ont fait l'allégeance de lui obéir, de ne pas faire la zina, de ne pas voler, de ne pas faire le shirk. Et entre autres, dans l'allégeance, ils ont fait la bay'a, l'allégeance de ne rien demander aux gens. Les selfs, quand ils étaient sur leur monture, sur le cheval ou là sur le chameau, et le bâton, on a un bâton quand on est sur un chameau là pour le frapper, le bâton quand il tombe, les selfs ne disaient pas, puisque toi tu es debout, donne-moi le bâton pour que je ne descende pas du chameau. Non, il ne dit pas. Il descend, il le prend et il monte. Pourquoi? Pour montrer à l'autre personne que je ne te demande rien. Non, tu vas me donner le bâton, ensuite tu vas parler. Tu vas dire, c'est moi qui lui donne toujours le bâton, c'est moi ceci, c'est moi cela. Non, c'est moi qui descends prendre le bâton. Et les ulama ont dit, quand tu demandes à quelqu'un une chose, tu as fait trois choses, trois grandes fautes. quand tu demandes à quelqu'un, tu lui dis donne-moi 1 euro, s'il te plaît. C'est un exemple là. Tu as fait 3 choses. Tu as laissé Allah subhanahu wa ta'ala, Razzaq ou Matin, Razzaq ou Quwwat Matin. Tu as laissé Allah, tu as allé vers la personne. Deuxièmement, tu as fait, comment ça s'appelle ça? Qadh fi nafsik. Tu t'es humilié. Regarde, ta nafs maintenant, ta nafs, tu l'as humilié en allant pleurant chez les gens et leur demander qu'ils te donnent des choses. Et troisièmement, tu as fait une faute avec la personne, tu l'as mise dans l'embarras. Non, tu l'as mise dans l'embarras, donne-moi 1 euro. Subhanallah, dis-moi, peut-être j'ai besoin de cet argent, maintenant j'ai honte, je suis dans l'embarras, je vais t'en donner. Non. Astaghfirullah, tu voulais te faire l'inchallah, t'es à l'heure prochain. Assalamu alaikum. Du sujet qu'il est mieux de faire un péché en privé qu'en public. N'y a-t-il pas là un manque de respect vis-à-vis d'Allah Azzawajal, car là on craint plus la créature que le créateur. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma nation est pardonnée, sauf le mujahirin. Toute ma nation est pardonnée, sauf ceux qui exhibent. Subhanallah al-Azim. Il fait le péché comme ça, il veut l'exhiber et pour que les gens le voient. Naam. Quand j'ai dit tout à l'heure que quand quelqu'un fait le péché en cachette, ça ne veut pas dire qu'il lui est permis de faire. Attention, peut-être vous ne m'avez pas compris. Ça ne veut pas dire qu'il t'est permis de faire le péché en cachette. Mais c'est seulement, je voulais seulement dire que celui qui le fait est mieux que celui qui l'a fait devant tout le monde. Car c'est un défi, il lance un défi à Allah Ta'ala. Moi je n'ai peur de personne, je le fais devant tout le monde. Et deuxièmement, il a pris les gens à témoin contre lui. S'il avait fait seul, il n'y a personne qui pourrait témoigner le jour du jugement dernier contre lui. Mais maintenant qu'il a fait, il a pris tout le monde à témoin, même si Allah Ta'ala veut lui pardonner le jour du monde dernier, tout le monde va dire, Ya Allah, pourquoi lui tu lui as pardonné? Pourquoi pas moi? Naam, Allah Ta'ala te pardonne si, naam, tu ne fais pas l'exhibition, là, comment ça s'appelle. C'est pas comme ça devant tout le monde. Tu fais devant tout le monde, c'est grave. Même quand tu es seul, tu ne dois pas faire le péché. Mais si tu l'as fait, c'est moins grave comparé à celui qui l'a exhibé. Mais ça ne veut pas dire que c'est permis. C'est comme si je vous disais par exemple, c'est mieux de fumer une cigarette que de boire l'alcool. Alors quelqu'un va me dire, donc c'est permis la cigarette. Je lui dis, non, ce n'est pas permis. Mais c'est mieux par exemple comparé avec l'alcool. Naam. Et l'alcool, c'est moins mal comparé avec le shirk. Quand tu fais l'association, l'alcool c'est mieux que l'association. Et comme ça. Mais toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est un malheur ici et dans l'au-delà. C'est un malheur ici et dans l'au-delà. Tfadhal inshallah ta'ala le prochain. Donc cheikh, là j'ai une question, mais elle est hors sujet, mais la personne elle me dit qu'elle est très importante. Est-ce que je vous la lis inshallah? Yeah. Salam alaykoum Cheikh Chalabi, ainsi que tous les frères et sœurs, je n'ai pas pu la poser la dernière fois, c'est très important, barakallahu fikoum à tous. Je fais beaucoup de rêves sur l'islam, d'Allah, de Jibril, le paradis, l'enfer, les prophètes, les messagers, comme Adam alayhi salam et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 3 fois dont son enterrement, mon combat et ma victoire contre Shaitan. La Mecque, le Aden, les surat que je ne connais pas, les cieux, la fin du monde et plein d'autres choses encore, etc. Et je pleure toujours pendant toutes mes prières obligatoires et surérogatoires, dans mes doigts qui se réalisent toujours, Alhamdulillah. Le Coran quand je demande pardon, etc. Mashallah, Tabarakallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mes autres rêves sont prémonitoires. Mashallah. Et cela depuis tout petit. Dois-je les raconter ou pas? Car j'ai honte de le dire aux gens de peur qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils rigolent. Je ne suis pas un homme de science et j'ai des défauts, mais pas de doute car je crois tellement ce qu'Allah et son prophète a dit que j'en pleure. Est-ce un rappel pour affermir encore plus ma foi ou pourquoi? Qu'Allah vous fasse et nous fasse entrer au paradis dans le Firdaous, Inch'Allah, ainsi que nos familles ascendantes et descendantes, et tous nos proches. Amin. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi je dis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand quelqu'un fait un bon rêve, un bon songe, quelque chose comme ça, les messagers ou je ne sais pas quoi, Naam, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit qu'il ne le raconte pas, sauf si c'est à un homme de science ou à quelqu'un qu'il aime et qu'il aime. Naam. Ce sont des choses qui ne se racontent pas. On ne raconte ça qu'à qui? Qu'à un homme de science ou quelqu'un qui nous aime. Quant à un homme de science, pourquoi? Pour que, si jamais il t'interprète, pardon, il sait interpréter. Car le beau songe est l'un des 46 signes de la prophétie. Quelqu'un, pour que Allah Ta'ala fasse de lui un prophète, il faut qu'il joigne 46 choses, ça, 46 conditions. L'une d'elles, il ne voit que les beaux songes. Car le prophète, alayhi sallam, ne voit pas le shaitan dans le songe, comme vous savez. Le shaitan vient chez nous. Al-Muhim. Or, pas n'importe quelle personne peut interpréter les rêves. Mais il faut que ça soit vraiment une personne qui a de la science. Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, c'est l'homme le plus savant de la terre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez cela. Naam. Et des fois, il demandait au prophète alayhi wa sallam de le laisser expliquer les rêves. Et comme ça, devant la présence du prophète alayhi wa sallam, pour qu'il lui corrige. Et le prophète alayhi wa sallam l'entendait interpréter et lui disait: Asabta fi ba'd wa akhta'ta fi ba'd. Tu as dit, interpréter quelque chose vrai et quelque chose, tu t'es trompé. Abou Bakr, le plus savant, il se trompe. Naam. Donc, Allah Ta'ala dit dans le Coran aussi, Naam, il a dit, le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Aftouni, aftouni fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluna sab'un ijaf, wa sab'i baqarat. Vous connaissez l'ayat dans sourate Youssef? Qu'a dit l'akhor? Le roi, il a dit, aftouni, aftouni. Ça veut dire, ça a besoin d'une fatwa. Ce n'est pas n'importe qui peut. D'ailleurs, ils ont répondu, وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا بِعَالِمِينَ. Ils ont dit, nous, on n'a pas de science dans l'interprétation des rêves. Regardez, ils sont sincères. Et là, l'autre s'est rappelé qu'il était en prison avec Youssouf. Il a dit que Youssouf connaît l'interprétation des rêves. D'ailleurs, on revient à marche arrière. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, a entendu quelqu'un expliquer le rêve. Et ce quelqu'un n'avait pas de science. Il lui a dit, tu joues avec le wahy, tu joues avec la révélation, toi? Tu sais pas que ça c'est du wahy. Tu joues avec la révélation? Non. Certaines personnes vont chez des gens qui n'ont aucune science. Et ils vont chez une vieille dame qui n'a jamais ouvert le Coran, elle est analphabète, et lui dit, explique-moi les rêves. Subhanallah al-Azim. On ne doit pas raconter les beaux rêves sauf si c'est à un homme de science ou bien une personne qui nous aime. Pourquoi une personne qui nous aime et qu'on aime? Pourquoi? Parce que sinon, elle peut te jalouser. Elle peut te jalouser et yani, te frapper d'un mauvais œil et ce beau songe ne va pas se réaliser. C'est en ce sens que le père de Youssouf, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Baniya. Pardon, qu'est-ce qu'il a? Yabouneya, en parlant de Youssouf, quand il lui a dit j'ai vu les 11 astres, il lui a dit Yabouneya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, fayakidu laka kayda. Oh mon fils, ne raconte pas ton beau songe à tes frères. Ils vont te faire des problèmes et des malheurs. Et ça, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Alors qu'en est-il s'ils avaient su qu'il avait vu les 11 astres? Naam. Je voulais dire que le beau rêve, dame, on ne le raconte pas, dame, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le réalise. Maintenant, si c'est une bonne chose, on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah qu'Allah ta'ala m'a fait voir cette chose. On ne le raconte qu'un homme de science ou quelqu'un qui a du ilm. Naam. Fadlan, inshallah ta'ala, prochaine question, il reste quelques minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai entendu parler d'un hadith qui dit que les musulmans hypocrites seront dans le plus bas des enfers, que Jibril n'a pas osé décrire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il y avait dans cet enfer. Ce hadith, j'ai entendu dire qu'il est forgé. Pouvez-vous le confirmer? Ensuite, pouvez-vous... Afwan, c'est juste une question par personne. Barakallahu fik. Ce hadith, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais entendu dans ma vie. Si tu m'avais donné un début en arabe, je t'aurais parlé de lui. Mais je veux te dire que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici, les musulmans hypocrites. C'est quoi le musulman hypocrite? C'est quoi le musulman hypocrite? L'hypocrite, le vrai, c'est celui qui va aller en enfer et ne jamais ressortir. Or, tout musulman qui est mort et sans faire le grand shirk, ou bien il a fait le shirk et il a fait la tawba, il est mort, tout musulman ira au paradis. Et si tu veux dire par musulman hypocrite, comme c'est dans le hadith de Bukhari, que il y a quatre signes, l'hypocrite a quatre signes, quand il parle, il ment, quand il le fajr, et il rate les rendez-vous. Si tu veux dire, tu parles de ce hadith, ça c'est la petite hypocrisie. Jama'a, la différence entre la grande hypocrisie qui fait de la personne qui va rentrer en enfer et ne plus jamais ressortir, et la petite hypocrisie que presque nous tous on en a. Presque nous tous on a certains signes de la petite hypocrisie. Comme elles, sunna al jama'a, font la différence entre le grand kufr et le petit kufr. Le grand kufr et le petit kufr. Le petit kufr, c'est comme quelqu'un, qui, par exemple, comme a dit le prophète, quelqu'un qui va jurer pas par Allah. Non, celui-là, il a fait un petit coffre. Et le grand coffre, c'est, vous connaissez, celui qui va faire rentrer la personne en enfer pour ne plus ressortir. Quant à la aqida, elle vient du mot, du verbe aqada, yaqido, nouer. Pourquoi ça s'appelle aqida? Qu'est-ce qu'on va nouer? On va nouer notre cœur. C'est comme si notre cœur, il y avait une corde dans notre cœur, on va la nouer. Donc, Aqida, tu vas apprendre des choses et tu vas les faire rentrer dans ton cœur et nouer ton cœur. De façon à ce que ces choses vont rester tout le temps dans ton cœur. Pourquoi? Elles seront ancrées, ancrées dans ton cœur. Elles ne vont plus ressortir. Je donne un exemple. J'ai dans ma Aqida qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, que je vais rencontrer de là, que Allah Ta'ala parle, qu'il y a Muhammad Sassim, qu'il y a Moussa, qu'il y a Ibrahim, qu'il y a... Tout ça c'est quoi? C'est Aqida. Est-ce qu'un jour je vais dire qu'il n'y a pas, il y a plus l'enfer, il n'y a plus le paradis, je ne vais pas rencontrer de là, je ne vais pas mourir? Ce sont des choses dont j'ai noué le cœur et se sont ancrées, ils ne vont plus ressortir. C'est pour ça que quand quelqu'un apprend la Aqida, il doit commencer par la vraie Aqida. Car s'il va nouer son cœur sur des choses qui ne sont pas vraies ou la fausse ou la faible, c'est très difficile pour lui qu'il fasse sortir cette mauvaise aqida. En ce sens-là, Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهُ وَلَا سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Regardez Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, quiconque fait le kufr du taghut, ensuite il a dit, et croit en Allah, celui-là, il tient l'anse la plus solide. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par coffre, ensuite il a dit croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu jettes d'abord, tu fais sortir le coffre que tu as dans le cœur et les obscurités et les ténèbres. Naam, pour pouvoir laisser la place à la lueur, à la lumière qui va rentrer. Tu fais sortir les innovations, tu fais rentrer la sunna. Tu fais sortir l'obscurité, tu fais rentrer la lumière. Tu fais sortir le coffre, tu fais rentrer l'islam. Imagine, tu as un verre plein d'alcool. Maintenant, j'ai un jus, machallah, un jus d'ananas. Je peux le mettre dans le verre d'alcool? Je peux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Vider le verre, jeter l'alcool, le rincer. Ensuite, si je veux boire, non. Tu dois d'abord jeter ce que tu as et faire remplir ce que tu veux. La même chose. Si tu veux avoir une bonne aqida, tu dois d'abord sortir tout ce que tu as de faux dans ton cœur et apprendre le vrai. C'est pour ça que un enfant, quand il est jeune, on le laisse pas. Non, on le laisse pas qu'il prenne déjà le virus. Ensuite, on lui dit ça c'est faux, et voilà le vrai. Mais déjà jeune, on le guide directement vers la vraie aqida, vers le vrai minhaj. C'est pas il va devenir je ne sais pas quoi. Il est blairé ou là, il est musulman ou la takfir. Après, ensuite, on va lui montrer le vrai chemin. Du début, on ne le laisse pas dévier. On ne le laisse pas dévier. Comme ça, il sera, comme a dit le prophète, Naam. Ici, il dit, par quoi commence l'apprentissage de la aqida aux débutants? On commence par les livres de la aqida. Au sol salaza, et on commence à monter. Au sol sita, keshf shubuhat, kitab tawhid, l'aqida al-wasitiya, et on commence à monter. À chaque fois, on monte d'un escalier. On monte d'un escalier. On commence par le simple, on va vers le compliqué. On commence par le bas, on va vers le haut. Naam. On commence par les choses yani, faciles, on va vers le difficile. C'est comme ça que, à chaque fois, mashallah, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et après 10 ans, yani, tu vas te comparer. Les gens vont t'entendre, vont dire, mashallah, je te connaissais, subhanallah, tu n'étais pas comme ça. Naam. Tu as souffert. Comme a dit le prophète, innama al-ilmu bit-ta'allum. Naam, tu n'as pas dormi. Tu n'es pas allé jouer. Mais tu as demandé la science. Tu as souffert. Les gens dormaient, toi tu veillais. Les gens profitaient à jouer, toi tu lisais. Les gens faisaient je ne sais pas quoi, toi tu écrivais avec le stylo et tu écris. Certaines personnes, pour eux, la science c'est quoi? C'est comme un journal. Quelqu'un qui est fatigué avant de dormir, il prend le Figaro. Il va lire, attendez, je vais voir les annonces. Naam, il y a une voiture à vendre, il va voir. Qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy, il a fait ceci, il a fait cela. Et maintenant, j'ai sommeil, je dors. Il croit que comme ça, avant de dormir, il va prendre un livre, il va lire un peu, Islam, Naam, le prophète a dit, attention, je veux dormir, salam alaikum, mais il dort. C'est pas ça la science. La science, tu dois souffrir, suer, avoir les maux de tête, courir, aller chez le ulama, demander, Naam, dépenser de l'argent pour arriver. Subhanallah, regardez le hadith de Jabir ibn Abdillah. Il a dit, j'ai entendu que quelqu'un avait un hadith, j'ai acheté une monture. Regardez, j'achète une monture et j'ai voyagé pendant un mois. Ensuite, je suis arrivé devant la maison de la personne qui j'ai entendu qu'elle avait un hadith, j'avais pas entendu. J'ai trouvé le domestique devant sa porte. Je lui ai dit, il est là, X. S'appelle Onis, il lui a dit Naam, je lui ai dit qui? Il lui a dit, dis-lui, Jaber ibn Abdillah. L'autre, il est rentré, il lui a dit, Jaber ibn Abdillah est devant la porte. Il est sorti. Il a dit en traînant son Khamis, tellement il était pressé de rencontrer Jaber. Il m'a dit, il l'a enlacé. De là, on dit, les ulama, il est permis d'enlacer quelqu'un quand on revient du voyage. Et il lui a dit, Hadithun, haddathani nas, annaka, annahu indak. Les gens m'ont dit que tu avais tel hadith. L'autre a dit, Naam. Le prophète, je l'ai entendu dire ceci, cela. Il a donné un hadith qui se rapporte avec, qui se parlait de l'au-delà, subhanallah. Imagine, tu pars, toi, tu vas acheter une voiture et tu vas marcher pendant, rouler pendant un mois avec ta voiture pour aller dans une autre ville, demander à quelqu'un un hadith si le hadith est vrai ou n'est pas vrai. Je jure par Allah que ce sont très rares peut-être qui font cela. Naam. Allah Ta'ala nous a tout facilité. Tout facilité. Regarde, tu es assis. Moi, je suis au Koweït. Toi, tu es, je ne sais pas où. À Paris, à Marseille, à Londres. Tu es assis. Masha'Allah, peut-être tu as du thé devant toi. Peut-être tu as du jus de fruits. Peut-être tu es en train de manger. Peut-être tu manges de la confiture. Et tu es en train d'écouter des choses qui t'arrivent sans que tu te fatigues. Peut-être même que tu es alité. Si tu as un laptop, tu l'as sur les genoux, peut-être tu es alité. Masha'Allah, alité, sans te fatiguer, en train d'écouter. Où tu trouves toi cette ni'ma? Où tu trouves cette ni'ma? Dis-moi où tu la trouves, subhanallah. Est-ce que nous, ou là, vous avez des excuses demain pour dire à Allah Ta'ala, Ya Allah Ta'ala, on n'a pas appris le dîn? Vous avez des excuses? Je ne pense pas. Avec la facilité qu'Allah Ta'ala a donnée, la ni'ma qu'Allah Ta'ala a donnée. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يعلمنا دينه. اتفضل إن شاء الله تعالى. الله أكبر إن شاء الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. Est-ce que les péchés d'un enfant sont comptés? بارك الله فيك. J'ai pas entendu la question. J'ai pas entendu la question. Et maintenant, je me rappelle quoi? Ah, khlas, maalesh, elle est écrite devant moi la question. Je la vois. Elle est écrite, bidallah ta'ala, devant moi. Naam. Je viens de me rappeler que je n'ai pas terminé à répondre à l'autre. Il a dit à la fin, il a dit, est-ce que la aqida passe avant la prière? Passe avant la prière. Et pourquoi 50 salat et 5 salat, etc. Je veux dire, quand on rentre en islam, on rentre par la aqida. Tu commences par faire dire, nous et ton cœur, que il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah. Et que on ne doit suivre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va nous mener vers le chemin qui guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on commence par la aqida. Naam. La aqida vient avant la prière. Car si tu avais commencé la prière, un kafir commence la prière sans qu'il atteste La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce n'est pas accepté de lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. Il a dit, apprends, ce n'est pas dit la ilaha illallah, apprends que la ilaha illallah, il a dit ensuite, fais l'istighfar, fais, dis istaghfirullah pour toi et pour les croyants. Donc, d'abord l'aqida, fa'lam annahu la ilaha illallah, ensuite l'istighfar, ensuite tu passes aux actions. On commence par la aqida, on passe aux actions. La aqida, c'est si je puis dire, la base de la maison. Non, tu n'as pas la base. Sur quoi tu vas mettre le plafond? Au lieu d'avoir des piliers solides, plus les piliers sont solides, plus tu peux yani, mettre la dalle, mashallah, lourde. Et puis tu peux mettre deuxième étage, troisième étage et tu montes. Maintenant, si les piliers hein, ne sont pas solides, c'est des piliers de bois. Imaginez, je coupe des troncs d'arbres et je les mets comme piliers. Sur ces troncs d'arbres, je peux mettre une dalle en béton armé, et deuxième et troisième, quatrième étage. Ce n'est pas possible. Les piliers vont s'effondrer. La même chose. Plus tu as la aqida, plus, masha'Allah, azzawajal, yani, tu es enclin à être pardonné de tes péchés, etc. Et tu vois clair. Et plus le chemin qui mène vers Allah est facile. Et plus la aqida est fausse ou faible ou bien embrouillée, et plus la personne, elle tombe, elle se lève, elle tombe, elle se lève, elle tombe, elle se lève. Et des fois, elle fait la prière, des fois, elle fait pas, des fois, elle est salafi, des fois, elle est contre, des fois, elle est takfiri, des fois, elle est là, elle est là, elle est là. Jusqu'à ce que on ne sait pas dans quel fossé elle va mourir. Dans quel fossé. Je ne sais pas dans quel fossé elle va mourir. Mais quand quelqu'un a la bonne aqida, subhanallah l'azim, tout est clair devant lui. Tout est clair. Le halal bayin ou le haram bayin. Voilà le chemin du paradis, voilà à gauche le chemin de l'enfer. Voilà la sunna, voilà la bid'a. Naam. Voilà la guidée et voilà l'autre le contraire. Pourquoi? Tout est clair devant moi, masha'Allah. Tout est clair. C'est une lumière. Nour ala nour. Et plus la aqida est fausse, etc., plus c'est difficile, très difficile d'arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala sain et sauf. Est-ce que les péchés d'un enfant sont comptés? Tout enfant qui n'a pas atteint la puberté, qui n'a pas atteint la puberté, tous les péchés qu'il fait ne lui sont pas comptés. Tous les péchés qu'il fait ne lui sont pas comptés. Mais ça n'empêche pas de comment dire ça, de lui donner par exemple une petite tannée pour les fautes. Le prophète a dit S'il arrive 10 ans, s'il arrive à 10 ans, il ne fait pas la prière, il faut le frapper. Donc on le frappe, alors que s'il ne fait pas la prière, il n'a pas de péché. À 10 ans, s'il ne fait pas la prière, il n'a pas de péché. Naam, pourquoi? Il n'est pas pubère. Aucun ange n'écrit une chose pour quelqu'un qui n'est pas pubère. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire est vrai. Si cet enfant fait des récompenses, il les aura. Et aussi, pour la personne, son père ou sa mère, qui l'a exhorté à faire la récompense. Si toi, tu es une sœur, tu pousses ton fils à ce qu'il fasse la prière jeûne, toutes les prières qu'il fait, tu les partages avec lui, mashallah. Alors que son père, non, il lui a jamais dit faire la prière, par exemple. Naam. Mais s'il fait une faute, ça ne lui compte pas dans son livre. Mais il n'empêche que, on peut par exemple le frapper, frapper des frappes qui sont frappées avec une barre de fer, ni une gifle. Mais on le frappe par exemple sur ses fesses. Sur ses fesses, comme ça, on lui donne quelques coups, ou bien peut-être un peu avec la ceinture, pour lui faire peur. Naam. Tayyib. Et l'handicapé mental. L'handicapé mental, si l'enfant qui est conscient n'a rien, comment celui-là qui est handicapé mental, il a quelque chose? Subhanallah l'adhim. Tant qu'il est handicapé, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ne compte pas. Ne compte pas contre lui. Mais s'il fait une faute avec les gens, on doit payer cette faute. Par exemple, un handicapé mental est passé devant ma voiture, il m'a cassé le pare-brise. Qu'est-ce que je dis? Je dis, il est fou, khlas miskin, il est fou, miskin. Non, je le prends et je cherche sa carte d'identité ou je ne sais pas quoi, et je fais venir son père et je lui dis, votre fils, c'est un miskin, je ne lui en veux pas, il n'a pas de péché devant Allah. Mais voilà ce qu'il a fait, il m'a cassé le pare-brise. Veuillez s'il vous plaît me rembourser le pare-brise. Naam. Et s'il m'a brûlé ma maison, je lui dis veuillez me rembourser l'argent pour bâtir une autre maison. Il va me dire il est faux mon fils. Je lui dis ça, il est faux ça. Mais est-ce qu'il a droit de faire cela? Qui vous a dit de le laisser? Pourquoi vous l'avez laissé libre? Puis c'est un fou. C'est de votre responsabilité. C'est de votre responsabilité de l'emmener dans un hôpital psychiatrique ou bien de le laisser à la maison, même si on doit l'enchaîner. Je connais des fous qui on les enchaîne dans la maison tellement ils sont yani dangereux. Tfadla, inshallah ta'ala, il reste 5 minutes. Tfadla. Salamu alaykoum. Vous avez parlé de celui qui fait un péché en public. C'est comme s'il défie Allah Ta'ala. Qu'en est-il d'un frère qui rappe et dont le clip est à la télévision? Dans ce clip, il porte la barbe et il parle de din. Barakallahu fik. Cheikh, le rap, c'est un style de musique. Voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord, qui a dit que c'est un frère? Qui a dit que c'est un frère? C'est comme si quelqu'un va nous dire, il y a une sœur en djilbab qui est venue à la télévision avec la cigarette, ensuite elle a jeté le djilbab et elle portait un blue jean serré et je ne sais pas quoi, elle a dansé, elle a mis ce djilbab. Il nous dit, que pensez-vous de cette sœur? On l'arrête déjà, on lui dit arrête. Déjà, pourquoi tu l'as appelée sœur? Est-ce qu'une sœur fait cela? Non, mais ici c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un frère qui rappe ou là je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit ici et qui lui-même il porte là-bas et fait ça à sa mosquée? Non, c'est pas un frère celui-là, c'est pas un frère. Non, c'est un musulman, c'est tout. C'est un musulman, non, c'est pas un frère. Si tu veux dire le frère d'après notre lexique, hein, le frère salafi, tu veux dire. Celui-là, il est loin d'être un frère. Tu veux dire que c'est un musulman comme nous, c'est notre frère, parce qu'il est comme nous de Adam et de Hawa, naam. C'est un musulman, donc frère en islam. Je dis d'accord. Tu veux dire le frère qu'on dit de nos jours, voilà la sœur et voilà le frère, en parlant des moustaqimin, des moustazimin, celui-là, il est très loin. Fadla, inshallah ta'ala, le prochain. sûr, vous n'avez pas vraiment répondu au début de sa question en fait, quand tu demandais s'il fait un péché en public, est-ce qu'il défie Allah Ta'ala. Donc la question, salam alaykoum, quel est le dalil? Quel est le dalil que chaque personne a un diable avec nous? Et est-ce bon de dire que si les voyants, entre parenthèses médium, dit des choses sur le passé d'une personne et cite des noms, etc., c'est que le shaitan qui est avec nous même donne des infos aux voyants. Bien entendu, est-ce qu'il peut connaître le futur? Est-ce bon de dire comme ça si des gens nous demandent, mais comment se fait-il que le voyant cite des noms, etc.? Je reviens et je redis encore une fois. Quand quelqu'un fait des grands péchés comme ça en public, c'est beaucoup plus grave que celui qui les fait en secret. Et celui qui les fait en secret, ça ne veut pas dire que ça lui est permis. Ça veut dire seulement que, au moins celui-là, il a eu un peu honte d'Allah Ta'ala. Mais l'autre, c'est comme s'il disait, moi je défie tout le monde. Moi je défie tout le monde. Non, je n'ai peur ni d'Allah, ni de ses serviteurs. Je n'ai peur de personne. C'est un peu en ce sens que c'est un défi. Et c'est en ce sens que le prophète a dit qu'Allah Ta'ala pardonnerait Yom al-Qiyamah à tous les croyants, sauf à celui qui exhibe, qui fait comme ça devant tout le monde les péchés. Non. On revient encore une fois maintenant. Quel est le dalil que chaque personne a un diable avec nous? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Il a dit que chaque personne avait son diable avec lui et que moi, mon diable, Allah Ta'ala, a fait de lui un musulman. C'est le seul, il a dit, il a fait de lui un musulman, il est rentré en islam et il ne me prêche pas le mal. Nous tous, notre diable nous prêche le mal. Quand il voit qu'on est faible, il sent de nous une faiblesse. Une régression dans la foi, il veut nous exhorter à faire le mal. Et plus il sent de toi que tu es mashallah, plus il devient enchaîné. Il sait que il n'a pas d'influence sur toi. Donc, et Allah Ta'ala a dit, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. Allah Ta'ala a dit que son shaitan a dit. Donc chacun a son qarin qui est toujours collé à toi et qui restera jusqu'au jour où on meurt. Jusqu'au jour où on meurt. Donc, ce qarin, le shaitan, travaille, beaucoup d'eux, travaillent avec les voyants et les voyantes. Travaille. Et des fois, la voyante, elle envoie un shaitan qui vient prendre des informations de ton diable. Elle, la voyante, plus elle est noyée dans le shirk et dans le kufr, plus elle travaille avec les grands shayatins. Comme il y a un grand shaitan qui s'appelle, attendez, ça fait longtemps que j'ai pas cité son nom, il s'appelle, il l'appelle Baba Hamouda. Baba Hamouda, c'est un grand shaitan tunisien. Il est d'origine tunisienne. Moi, je l'ai rencontré dans ma vie une fois ou deux. Vous allez me dire, où est-ce que vous l'avez rencontré? Dans un café? Je dis non, je l'ai rencontré dans la personne que je lui faisais ruqya. Et la personne que je lui faisais ruqya, où j'ai rencontré cette personne, où j'ai rencontré ce diable qui s'appelle Baba Hamouda, c'était la personne elle-même à laquelle je faisais une ruqya, c'était un voyant. Un voyant qui a voulu revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voulu revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que toute sa vie l'a passée avec ce grand shaitan, à lui donner à boire le sang, à égorger des moutons, c'est pas fissabilah, mais fissabilah de shaitan, etc. Et à la fin, tu veux revenir vers Allah et te désavouer du shaitan, ce n'est pas facile. Ah, il ne va pas le laisser facilement. C'est pour ça que il lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et ce jour-là, quand j'ai été chez ce voyant, j'ai trouvé qu'il avait à l'intérieur de lui ce Baba Hamouda, Aoudoublamino. Donc, plus la voyante est le voyant, plus il est noyé dans le shirk, plus il travaille avec les grands shaitans du monde. Et ces shaitans envoient les petits shaitans, les petits soldats, non, vers la personne qu'on veut. Et ils prennent des informations de cette personne et la donnent à la voyante et au voyant. Je donne un exemple. J'ai des problèmes maintenant. Non. Je dis à un ami, je lui dis, tu connais pas un bon voyant ou une bonne voyante dans les parages? Il me dit si, X, dans tel quartier, très connu pour la voyance, etc. Je lui dis parce que j'ai des problèmes, par exemple, on m'a volé ma chaîne d'or et je sais pas où est-ce qu'elle est. Il te dit, qu'est-ce qu'il va me dire l'autre? Oh, c'est très facile. Ah, cette voyante, elle est très connue. Elle va te dire où se trouve la chaîne. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des problèmes, je suis allé chez elle. Taïb, maintenant, quand j'ai dit ces choses-là, le shaitan qui est avec moi, il a entendu ou n'a pas entendu? Il a entendu. Naam. Et lui, il va vite envoyer un soldat. Ou bien il va lui, il n'y a pas de problème. Lui, s'il travaille avec la voyante, il y va. Sinon, il envoie quelqu'un, shaitan, lui dire que demain, X, naam, qui habite au Koweït, a perdu une chaîne d'or et il va venir la chercher. Il s'appelle comme ça et comme ça. Et demain, moi, quand je vais chez la voyante, dès que je rentre, elle me dit « Assalamu alaikum, Cheikh Chalabi. Ah, vous êtes là. » Je dis « Subhanallah, elle dit comment elle connaît mon nom. Subhanallah l'adim. Asseyez-vous, elle va me dire, asseyez-vous et ne pensez pas beaucoup à la chaîne. Je vais vous dire où est-ce qu'elle est. Allahu Akbar. Elle sait que je suis venu à cause de la chaîne. Subhanallah, Allahu Akbar. Et je vais lui embrasser sa main. Je vais lui dire ça. Là, c'est vraiment une voyante et je vais allumer les bougies. C'est ce qu'elle dit là, comme on est dans la personne, il faut croire aux gens. Voilà, justement, les gens, quand ils vont entendre la personne, la voyante, te parler du passé que le shaitan connaît comme moi je connais, des choses qui sont passées au passé. Alors de là, la voyante, si elle va te parler de l'avenir, toi tu vas croire. Tu dis comme elle sait le passé, elle connaît l'avenir. Et ils ne savent pas que personne ne peut connaître l'avenir, sauf Allah. Le shaitan, c'est pas grave qu'il connaisse le passé. Le passé, c'est quelque chose qui est déjà passé. C'est comme moi, par exemple, je sais une chose que toi tu ne connais pas. Naam, je sais une chose que toi tu ne connais pas et je t'ai fait apprendre. Ça, c'est le passé. Mais connaître l'avenir, que quelqu'un te dise, tu vas mourir tel jour, ou là tu vas t'enrichir tel jour, ou là tu vas te marier avec X, ou là X va te divorcer, ou là, ça seul Allah Ta'ala le sait. Ou là tu vas tomber malade, seul Allah le sait. Ou la ya'lamu man fi samawati wal ard, al ghayba illa Allah. Sauf Allah Ta'ala connaît le ghayb. Et si tu dis, il y a une autre personne qui peut connaître ce qui se passe demain, c'est un kafir, tu es devenu kafir. Là, c'est trop tard. Il faut faire la tawba et rentrer de nouveau en islam et va prendre la douche de nouveau. Subhanallah. Et donc, j'ai dit comme ça, les gens sont trompés, les vieux et les vieilles, hein, quand la voyante leur parle du passé et qu'elle connaît, yani, où elle est la chaîne, etc., parce que le shaitan lui a dit. Alors, si maintenant elle va lui parler de l'avenir, il va la croire. Il va faire la relation. Il dit, comme elle a connu l'autre, elle va connaître. Et il ne sait pas que. Il y a une grande différence entre connaître le passé et connaître l'avenir. Tfadla, Inch'Allah Ta'ala, la dernière question, il est déjà ici 2h du matin, Masha'Allah, 2h10. Tfadla, Inch'Allah, la dernière question. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala, al-musta'an. Tfadla. Tfadla, Abu Marwan, prends le micro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Naam. Donc, Inch'Allah, je vais poser la question. Et ensuite, dès que la question elle est terminée, je demanderai au Cheikh si je peux lui ajouter une chose, Inch'Allah. Donc, ma question, c'est la suivante. C'est une question de Aqida, Inch'Allah, qu'elle sera utile. Et la réponse, elle sera utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit: la première chose que le croyant il sera interrogé le jour de la résurrection, c'est la prière. Et ce hadith, il est connu, il est authentique. Et dans un second hadith, qui lui aussi il est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la première chose sur laquelle le croyant il sera interrogé le jour de la résurrection, c'est les droits du sang. Le fait, par exemple, si j'ai tué quelqu'un, eh ben, les droits du sang. Donc, ma question, c'est celle-ci. Comment la première chose qu'on va être interrogé, c'est la prière? Et la première chose qu'on va être interrogé, c'est les droits du sang? Est-ce que, Inch'Allah, le cheikh, il a entendu la question ou je dois la répéter? Elle est claire. Et deuxième chose, Inch'Allah, est-ce que je peux vous rajouter un petit complément? Parce qu'on vous a posé trois fois aujourd'hui, on vous a demandé à propos de ce que vous avez dit sur le péché qui est fait en public et le péché qui est fait caché. Et j'ai une parole de Cheikh Albani qui est très rapide, qui concerne ce sujet. Donc Cheikh Albani, pour confirmer ce que disait le Cheikh dans ce salon, il dit cette règle suivante. Le petit péché qui est fait en public, il est plus grave que le grand péché qui est fait caché. Pourquoi ? Il a tiré plusieurs enseignements. Premièrement, quand on fait un péché en public, on va banaliser ce péché, puisque les gens ils le voient. Deuxièmement, on va appeler les gens à ce péché. Et troisièmement, on va pervertir toute la société entière là où qu'on vit. Si par exemple, moi, je croise Cheikh Tchalabi, et que le Cheikh il a un khamis, il est tout beau, tout propre, et moi je suis tout sale. Si je veux le serrer dans mes bras, le Cheikh il va pas vouloir. Parce que ma saleté, elle va le salir lui. Eh ben, le péché en public, c'est pareil. Celui qui s'est caché, il s'est sali tout seul. Celui qui a fait le péché en public, il s'est sali lui. Et la mousseba, c'est qu'il a sali les autres. Il a éclaboussé. Voilà. C'était ça le complément que je voulais ajouter, Inch'Allah, parce que plusieurs fois, la question, ils ont pas compris les autres. Et donc, ma question, c'est comment, bismillah, comment le jour de la résurrection, la première chose qu'on a interrogée, c'est la prière? Et comment la première chose, c'est les droits du sang? Ces deux paroles qui sont pas en accord les unes des autres, j'aimerais bien connaître la réponse, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Avant cela, je dis que puisqu'il est 2h10 du matin, les autres qui ont levé la main m'excuseront. Mais Inch'Allah ta'ala, demain jeudi, s'il n'y a pas de repères, on va prendre aussi 2 ou 3 heures seulement questions-réponses. S'il y a les repères, ce sera après les repères, Inch'Allah Ta'ala. Et vendredi, on le laissera au concours, Inch'Allah Ta'ala, cette semaine. Et l'autre vendredi prochain, Inch'Allah, questions-réponses. Al-Mouhim a dit premièrement. Deuxièmement, je te remercie, Akhi Jazakallahu Khairan, wa Hafidhakallah, pour cette émeraude du Cheikh Al-Albani, Rahimahullahu Ta'ala, et qui va bien sûr dans le sens de ce que je vous ai dit. Inch'Allah Ta'ala, ça renforce ce que je voulais vous dire, Inch'Allah Ta'ala. Troisièmement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose qui va nous être posée, la question, c'est sur la salat. Ensuite, il a dit la première chose qui va être posée, c'est sur le sang. Je dirais très simplement, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucune contradiction. Pourquoi? Du jus d'ananas, du jus de fraise, c'est pas l'eau. Alors que l'eau froide, c'est la plus grande ni'ma qu'Allah Ta'ala puisse te donner. C'est pour ça qu'il a cité, il a dit l'eau froide. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la meilleure au monde, c'est l'eau. La meilleure sadaqa, c'est l'eau. Si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, n'am, c'est mieux que tu lui donnes 100 euros. Tu lui donnes un verre d'eau car il a soif. Et quand quelqu'un, s'il veut savoir c'est quoi la valeur de cette ni'ma, qu'il se fasse une soif, qu'il aille dans le désert et qu'il court sous la chaleur. Et quand il a soif, et si on lui dit j'ai un verre d'eau, est-ce que tu veux l'acheter avec 1000 euros ou 10 000? Et vous allez voir s'il a cet argent, s'il ne va pas accepter. Tellement, naam, l'eau froide et l'eau en général et l'eau froide en particulier, c'est l'une des plus grandes ni'mas qu'Allah Ta'ala nous a donné. N'oubliez pas de remercier beaucoup Allah Subhanahu wa Ta'ala pour ces ni'mas, il y en a qu'on ne peut pas compter, et surtout pour l'eau, quand on boit de l'eau, n'oubliez pas de dire Alhamdulillah. Et je vous donne rendez-vous Inch'Allah Ta'ala demain. Je vous dis, je vous laisse fi hifdillah azza wa jal wa fi amanih. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Si j'ai dit quelque chose juste, نعم, et vrai, c'est Allah Ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit quelque chose de faux ou faible, نعم, c'est de quoi? C'est de mon ignorance et de mon shaitan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.